Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Retro Nouveau. C'est Gaz Panique qui t'énerve de même, hein? Ça. Salut tout le monde et bienvenue à ce 9e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, Dom? Ça va bien, toi? Mais ça, Colin, ça va bien, Jeff? Bien sûr! Colin. Colin! Fait que, what's up, man? Radio encore? Radio encore? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est encore les vacances, fait que c'est radio encore parce que... Ouais. C'est plus simple. C'est pas mal plus simple. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on va revenir avec vidéo en septembre. Là. Ouais. Jeff part en vacances la semaine prochaine. Je pars dimanche. En fait, vendredi, je finis le travail. Ouais. Fait que voilà. Fait qu'en attendant, on fait des podcasts, c'est plus facile. Ben oui. Puis on aime ça. On aime ça. On a des chips de différentes. Des Chesters. Ouais, des Chesters. Des même le sac. Là. Des spirales de maïs. C'est bon, en c'est hostie. Bon. En plus, l'avantage, regardez ça. Ça fond dans la gueule. Ben oui, ça fait pas... pratiquement aucun bruit. On s'étouffe avec. Magnifique. On s'étouffe avec. Il n'y a pas de fake ici à Rétro Nouveau. Tout non, il n'y a que du vrai. Tout du vrai. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est le fun parce qu'à soir, on va faire un épisode jeu. Ça va être bien que du jeu. On a commencé un peu plus tard, fait qu'on va. On n'a pas de questions pour le public. Ben, non. Moi, j'en avais une dans ma tête, mais je vais la garder pour plus tard. Puis c'est ça. Ce soir, c'est jeu seulement. Oui. Puis en introduction, par contre. Ben oui, on voulait mentionner ça. On voulait remercier Mathieu Gélina. Ben oui. Qui s'est pointé deux fois à mon local au cours des deux dernières semaines. Oui. La première fois pour te donner en cadeau 3D.heroes. Ben, ça, c'était écœurant. Merci encore, Mathieu. Fantastique. Puis la semaine d'après, il est venu me donner Dragon's Crown sur Vita. Oh, nice. Fait que j'étais bien content parce que c'est un jeu que je voulais vraiment essayer. Donc j'ai commencé un petit peu, là, mais je suis pas rendu encore vraiment assez loin pour... C'est ça, moi aussi, 3D.heroes, j'ai commencé, mais je suis pas rendu encore assez loin. Puis je vais en faire la critique à Rétro Nouveau. Surtout quand un gars te donne un jeu de même... Ça met de la pression. Ça met de la pression, t'es comme tu joues, puis tu dis « OK, mais faut que j'aille critique, faut que j'aille justice là, quand même. » Fait qu'on va faire notre possible là-dessus, mais merci beaucoup, mais Mathieu, en tout cas, de t'être déplacé, c'est vraiment super gentil. De ta part. Vraiment, merci. Puis aussi aujourd'hui, on voulait souligner, moi j'ai encore mon trépied de micro NES. Là, Bruno a switché pour un PlayStation 1. Update. C'est beau un PlayStation 1, je trouve. C'est tellement magnifique. C'est parfait, man. C'est vraiment ça a un beau design. Ouais. En passant, j'en ai un à vendre sur la boutique Papa Cassa. Oh. Pour ceux-là que ça intéresse. Puis, fait qu'on commence en jeu tout de suite. Hey, mais minute, es-tu complet ton plus? Il est complet, man. Non, il est en arrière de toi, je pense qu'il il est là avec un beau fil. Oui, dans le temps que les manettes avaient des fils. Ouais, tout est là, les tout fils. Tout est propre. T'as une manette. Ouais, c'est une manette à deux joysticks, ça? Je pense que. Oui, c'est une manette à deux joysticks. Ah, ben voilà. C'est encore mieux. Mais j'aurais quand même aimé d'avoir pas d'analogue dessus parce que ça fait vraiment old school. Vraiment, là. T'as de la misère à jouer à tes jeux. Tu peux pas jouer à tous les jeux, dans le fond. C'est ça que je catchais pas. Le PlayStation 1, il y a eu certains jeux qui avaient juste la manette, mais je pense que c'était un joystick ou il y avait pas de joystick. Pas de joystick et deux joysticks plus tard. Ouais, c'est ça. Mais je me souviens pas que ça a été ben utilisé dans le temps du PlayStation 1, non. Les analogues. Bon, on dit joystick analogue, je sais pas, je pense pas. Parce que des fois, tu joues à des vieux jeux comme j'ai rejoué récemment sur Vita à Gex, parce que je connais pas très bien la série Lézard, Gex. Là. Ouais, le Gecko. Ouais. Puis, tu sais, pour tourner la caméra, genre, fallait que je pèse à gauche ou je pèse à droite, tu sais, puis il y avait les joysticks me servaient à rien. OK. Ouais, fait c'est ça. C'était fait bizarre, dans le temps qu'il y avait... Parce que Gex est sorti aussi au Saturn. Ouais. Puis dans toutes ces consoles de cette ère-là. Exact. L'ère des noms analogues. Ouais, il y en avait une, sa manette. Sur la grosse manette de Saturne, excusez, un analogue, mais non, dans ce temps-là, il tenait pas compte de ça, les analogues. En tous les cas, ce beau PlayStation 1-là est en vente, super propre, 15$. Un bel item pour votre... Ouais. Et avoue que t'as envie de l'acheter. 15$! Pas cher, pas cher! Hey, c'est pas cher! Colin. Je te l'échangerai contre des chandails si tu le veux. Ah, magnifique. Fait que, voilà, right. C'est toi qui pars ça. Ben oui, je vais partir ça. Écoute, avec un jeu que. Colin, ton genre. C'est vraiment ton genre. Non, mais genre, c'est ça. Je veux que tu m'en parles beaucoup. Ouais. Là. Rogue Legacy. Ouais. Qui est un jeu, moi j'avais commencé à jouer à ça sur Vita, puis je disais comme je sais pas, je suis pas sûr. Puis il y a du monde sur Twitter qui m'ont dit ben, voyons donc, t'es fou dans la tête, c'est continue. Ouais. Parce que là-dedans, ce que c'est que t'es comme un petit chevalier. En fait, tu choisis ton héritier au début. Okay. Fait que t'as des chevaliers, mais ils crèvent tout le temps. Ils crèvent sans arrêt okay. parce que c'est super dur. Puis il y a un château qui génère des tableaux procédurales. Fait qu'à toutes les okay. fois que tu rentres dans le château est fait de façon différente. Ce qui fait qu'il n'y a pas une game qui est pareille. Okay. Mais c'est très bien fait parce qu'il n'y a pas de fuck dans le château ni rien de ça. T'as jamais l'impression que c'est fait de façon procédurale. D'accord. Puis, ce que tu choisis ton chevalier, après ça, tu arrives dans la cour, puis tu vas voir, il y a un maçon, il y a une personne qui va t'aider pour ta magie. Lui, il y a de l'argent, le maçon. Ouais. Pas de job, ça. Les jeunes qui nous écoutent, là, si vous aimez pas l'école, allez faire un DEP en maçonnerie, vous allez être riche bien avant tout le monde. Forgeron aussi. Ouais, forgeron, c'est vrai. Mais fait avant que tu continues aussi, je veux dire, ce jeu-là est un jeu style 16-bit. Oui, c'est ça. 8-16-bit, en tout cas. C'est comme un mix de 8-16. Ça a l'air d'un jeu indie, non? Ouais. C'est un jeu indépendant. OK. Puis ça me fait penser plus à un jeu de Super Nintendo qu'à un jeu de Nintendo. Ouais, c'est ça. Classé. Quand j'ai regardé, ça me faisait penser à Cave Story un peu au niveau du look. Là, très pixel, mais beaucoup de détails dans le pixel. C'est ça. Puis de la musique aussi, crissement hot. Là. Exact. Puis en plus vu que tu recommences souvent, parce que dans le fond, là-dedans, là, tu grindes. T'sais, tu commences au début, puis ton bonhomme, là, il a rien, il a aucun pouvoir. OK. Fait que là, tu commences, puis t'as ta petite épée, puis t'es « Ah, je suis poche! » Puis là, tu meurs. Ouais. L'affaire là-dedans, c'est qu'il faut que tu ramasses du cash pour acheter des améliorations sans arrêt pour tout le temps être meilleur. Ouais. C'est ce qui te pousse aussi à tout le temps commencer ta game. Mm-hmm. Puis là-dedans, ce qui arrive, c'est que au moins, tes améliorations, ben t'es gardes, même si tu changes d'héritier. Ouais. Parce que les héritiers sont différents. Il y en a des mini, il y en a des médiums, puis il y en a des gros. Okay. Puis il y a aussi des hommes et des femmes. Ce qui est drôle, c'est que les femmes, ils leur laissent une barbe. Ils veulent mettre juste une petite boucle sur la tête. Genre, ça fait comme. Cool. Ça, c'est vraiment hot. Ils ont même leur petite histoire, les héritiers à côté. Il y a plein de petits détails dans ce jeu-là. Puis, les ennemis, tout ça, on a vraiment l'impression d'un platformer dans le genre des vieux platformers de Nintendo. Mm-hmm. Ça me fait un peu penser à Castlevania. Ouais, c'est moment, ça. Ben, c'est-tu genre, Metroidvania un peu ou est-ce qu'il faut que tu backtrack ou c'est tout le temps par en avant? C'est ça l'affaire, c'est que c'est par en avant. On pourrait dire que c'est Metroidvania parce qu'une fois que tu découvres une pièce, elle s'affiche à ta carte. Ouais. Puis là, tu vas vouloir débarrer des coffres et tout ça pour découvrir des trésors, puis des runes, puis des trucs comme ça. Mais, tu backtrack pas nécessairement parce que tu essaies de survivre. Ouais. Et aussi, dans ces pièces-là, ce qui est le fun, c'est que non seulement tu es dans le château, mais des fois, tu sors du château sans vraiment le savoir, puis tu t'en vas dans une forêt, okay. ou tu t'en vas dans un donjon en dessous. Fait qu'il y a plusieurs tableaux, c'est le jeu évolue sans arrêt. Okay. Fait que tu commences ta game au début, puis tu fais comme, ça va tout le temps être la même affaire, la même toune, les mêmes ennemis. Mais non, plus tu améliores ton bonhomme, plus le jeu s'adapte aussi à ces améliorations-là que tu as mis sur ton bonhomme. Puis tu ne te tannes pas parce que les ennemis deviennent beaucoup plus grands, beaucoup plus tough. Puis aussi, tu es tout le temps attiré par le fait d'avoir des améliorations. Ouais, c'est ça. Tellement c'est ça que tu veux là-dedans, devenir là. Tu veux devenir violent, là. Super violent, puis super tough. Il y a des boss aussi dans le château, ce qui est très intéressant. Puis aussi, des fois, c'est vrai, il y a une affaire que j'ai oublié de dire, c'est que quand tu gagnes ton cash, tout ça, mettons que j'ai gagné 580 pièces d'or. Ouais. Mais là, quand je meurs, je vais garder ces 580 pièces-là. Puis là, au début, je vais être dans le manoir, puis il va me dire « OK, comment tu veux dépenser ton 580? » Fait que tu peux décider de le dépenser sur ton énergie, ton armure, ton mana pour ta magie, pour que ton arme soit plus forte ou des trucs comme ça. Ou tu peux sortir du manoir puis dépenser ça sur une nouvelle arme ou justement des nouveaux types de magie. Si tu dépenses pas ton cash, juste avant de rentrer dans le château, puis même si tu le dépenses, il t'en reste, tout ce qui te reste de cash, le gatekeeper, dans le fond, comme une espèce de gros dette imposant, ouais. il est devant la porte, puis lui, c'est comme, non, non, si tu veux rentrer dans le château, tu me donnes tout ton cash. OK. Fait que tu veux le dépenser, mais c'est chiant parce qu'à un certain point, si tu gagnes, mettons, juste 280 pièces d'or, puis que ton amélioration... T'as rien à acheter avec ça. C'est ça, ton amélioration, genre, est 300, c'est super frustrant parce que t'es obligé d'aller au gatekeeper, puis c'est comme, ah oui, tu veux ton 280 pièces partir d'une shot. Puis y a-tu une évolution de ce gatekeeper-là, à un moment donné, ou il est juste une barrière tout le temps? Écoute, moi, ça fait 5 heures que je passe dessus, puis il n'y a pas vraiment évolué, c'est tout le temps la même affaire. À vrai dire, l'extérieur du château est resté pas mal pareil, mais à l'intérieur, j'ai remarqué des différences. Puis il y a aussi des portals un peu partout qui peuvent te permettre... Ouais, les bons vieux téléportes, là. C'est ça, parce que ça peut te permettre de backtracker, puis des fois, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus rien. Fait que là, tu te dis, ah, je vais retourner au début du château pour peut-être essayer d'aller me refaire. Ouais. Je vais revenir, puis je vais aller battre le boss. Ouais. Fait que t'as beaucoup... Faut-tu quand même assez intelligent dans ta façon de jouer, puis ça appelle vraiment les joueurs hardcore. C'est pas un jeu qui est fait pour les newbies. Ah, ça a l'air cool. Y a-tu de la magie? Oui, il y a de la magie. C'est ça, t'as de la magie, puis t'as aussi certains chevaliers qui, eux autres, vont avoir une armure. Ouais. Y en a d'autres qui en ont pas. Ils ont toutes une arme secondaire. Il y en a qui pitchent des lances. Ouais. Il y en a d'autres qui pitchent les fameuses haches qui ont un arc de cercle. Il y en a un qui pitche comme une espèce de comment que ça s'appelle? Une faux. Qui va faire la même truc que le boomerang, tu sais. Toutes les armes de Castlevania, finalement. C'est vraiment des affaires qui explosent à terre et qui fait du feu, genre. Non, sauf que t'as un rond de feu autour de toi, tu sais, qui tourne comme un genre de shield. Ouais. Fait que t'as plusieurs choses comme ça. Puis t'as aussi, un moment donné, tu débarres une affaire quand tu pèses sur le triangle. Il lâche un espèce de cri de raniment, genre Roar Fire God! Puis là, ça détruit tout sur le tableau. Ah, ça, j'aime ça, ça. Fait qu'il y a plein d'améliorations, même, tu sais, moi, ça faisait un bon bout de temps que je jouais, puis là, j'ai découvert une amélioration, comme crime, ça change tout, tu sais. Ouais. Fait que t'as tout le temps de quoi qui change ta game, qui fait que tu t'annes jamais, puis aussi, les concepteurs le savent, le jeu est tellement bien fait que t'as tout le temps quelque chose pour te garder accroché. En haleine, ouais. Mais explique-moi donc, là, je comprends toujours pas. Là, tu choisis un personnage au début, t'es comme, yeah, je prends lui. Ouais. Puis là, il se fait buter tout de suite. Exact. Puis là... Il se fait buter, là, faut que t'en prennes un autre parce que t'as plusieurs héritiers, en fait. Ouais. Fait mais quand ton héritier, t'offres-tu le restant de la game ou il crève lui aussi puis là, tu te prends un autre? Ben là, il crève. Je comprends pas, mais après ça, il va revenir à la vie. Ça prend comme un certain temps avant qu'il revienne. Okay. Ça, j'avoue que j'ai mal vérifié, mais je pense que le nom des héritiers change. Puis il y en a quand même beaucoup. Tu sais, t'as des femmes, t'as des hommes. T'en as qui sont plus chevaliers, t'en as qui sont des chevaliers avec des armures sans armure. C'est ça la legacy, dans le fond. Là, c'est ça la legacy. Ouais. C'est du fait que, tu sais, au début, je pense qu'ils disent choose your hero ou quelque chose du genre. T'sais. Ouais. Puis c'est comme choisissez, c'est qui va aller se battre pour vous, tu sais. OK. Puis tu choisis, puis à un moment donné, quand ça fait trop de fois que tu crèves, ben tu choisis un enfant qui est jamais allé à la guerre, tu sais. Là, lui, il arrive avec là, son c'est armure, tough, d'abord, il est quand minable, t'es rendu là, tu sais. Faut que tu le grindes au max. Ouais, là, sauf que genre. Lui, il va recommencer, tu sais. Il va recommencer. Ben, il pogne les stats de l'autre d'avant. C'est ça. Ouais. Ce qui fait que ça reste quand même un bon niveau. Il garde tout le temps tes stats. Fait qu'au moins, il a tout le temps la même puissance. C'est juste que. Des fois, il n'est pas aussi vite, tu sais, comme, admettons que t'en pognes un qui est plus gros, ben lui, il va être un petit peu plus lent, il va sauter moins haut. Fait que, tu sais, t'as toutes ces choses-là quand même qui donnent des caractéristiques. Ouais. Puis une affaire qui est le fun, c'est qu'il joue vraiment avec le côté procédural en te donnant des règles « fuck you », direct en partant. Comme, admettons, tu commences ta game, puis ton bonhomme, tout ce qui entoure ton bonhomme est flou. Ah ouais, OK. Pour aucune raison. Fait que là, tu fais ta game. Fait que, ah, Colin. Puis là, faut que tu fasses des choix. T'sais. Comment je la joue, ma game? Je la joue-tu pour gagner du cash ou je la joue pour me rendre le plus loin possible puis aller battre le boss? OK. Puis même, je me suis retrouvé aujourd'hui qu'ils ont viré le tableau à l'envers. J'avais un héritier qui était à l'envers dans son cadre. OK. Et j'ai dit, voyons, OK, c'est ça, c'est un fuck du jeu. Je commence, toutes les inscriptions toutes sont toutes à l'endroit, mais tout le tableau est à l'envers. OK. À l'envers, vraiment, mon bonhomme, là, sans dessus-dessous, là, au top de l'écran. Sans dessus dessous, sans dessus dessous, monsieur. Colin. On vous revient à prise 2. Comment ça coûte, ce petit bijou-là? C'est 15$. Ouais. C'est un 15$ terriblement bien investi. Parce que je compte le nombre d'heures que j'ai passé là-dedans jusqu'à date, puis j'ai pas fini. Là, j'aimerais. Ouais. Jusqu'à date, ça devient à 3$ de l'heure en passant. C'est pas mal ça. C'est correct, ça, 3$ de l'heure. Mais il y en a encore pour. Pas mal de temps, là. Tu j'ai lu sur goût. Internet, le monde passe comme un 20-30 heures là-dessus. Là. Ah ouais. C'est écœurant, il t'en redonne, ce jeu-là. Puis je pense qu'il est pas sur 3DS, puis ça, je comprends pas. Parce que non, il est pas sur 3DS, en fait. Il est sur Microsoft Windows, PS3, PS4, PS Vita, OS X, et puis Linux, bizarrement. OK. Qui développe sur Linux encore? Ouais. Je sais pas. Là. Non, parce que ça aurait fait aussi un bon... En fait, c'est ça, c'est bon pour des quickies. Fait que, tu sais, je comprends que ça sur portable. Mais ça ferait un bon jeu aussi quand même sur toutes les consoles. Puis Nintendo, je veux dire, c'est quand même eux autres qui ont parti tout ça. Fait que ouais. Il n'y aurait pas de raison de ne pas se retrouver sur leur console. On sait jamais, peut-être à l'avenir. En tout cas, ça me tente. Puis je vais l'acheter direct en fin de semaine, mon gars. Ah! Des petites infos complémentaires. Oui. C'est Cellar Door Games qui ont fait ça. Mm-hmm. C'est une petite compagnie canadienne de Toronto. C'est les frères Kenny et Teddy Lee qui ont fondé ça en 2009. Leur seul autre jeu populaire, c'était un flash game qui s'appelle Don't Shit Your Pants. Right. Allez regarder ça, Don't Shit Your Pants, je connais pas ça. Ils disent que le jeu leur a coûté de leur poche 15 000 $ à développer. L'argent, ils l'ont tout refait dans la première heure que le jeu était releasé. Malade. Aïe. La première semaine, ils ont vendu 100 000 copies de jeu. Fait qu'un success story pour eux autres. Wow. Ben tant mieux. C'est très mérité. 15 000 $ pareil, là, tu te dis. Ça a pris 18 mois à deux gars développer le jeu. C'est ça. Ouais. C'est souvent ce qu'on pense pas quand on se dit, ben, crème, voyons, faites les jeux, mais c'est un investissement. C'est long à faire. C'est long. Ben, c'est ça. Faut t'empruntes l'argent. Tu dis, ils sont deux, ils peuvent y emprunter chacun 8000 piastres, tu sais. Exact. 8000 piastres, tu sais. C'est de l'argent, là, on s'entend, mais. Mais c'est aussi le fait que c'est pas, c'est pas 50 côté, 000, là, tu sais. C'est rien pour mettre quelqu'un dans la rue non plus, là. Mais non, sauf que, imagine, c'est ça. Imagine que pendant ce temps-là, tu travailles pas, tu pognes pas. Non, c'est ça. Si tu travailles pas pendant ce temps-là, en plus, là, c'est top. Là, c'est ça, ta job. Exact. Faut que ça marche, tu sais. Fait que ça doit être. Tu dois avoir de la pression maudite, là. Mais, mais des indépendants, même n'importe quand. Là. Ça, c'est un bijou. Exact. Bon, ben moi, je vais enchaîner avec un jeu de Game Boy, mon ami. All right. Parce que cet été, pendant mes vacances, la première semaine, je suis allé en Beauce. Oui. Puis je suis retourné à Equinox, à Thetford Mines, ben à la sortie de Thetford, dont j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Puis j'étais bien déçu parce que j'ai rien ramassé vraiment, là. Genre trois jeux, puis tu sais, rien pour me faire capoter. C'est à cause de ton vidéo. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que tout le monde sont allé vider à la place. Ben mais le gars là-bas, il m'a reconnu, par exemple. Tu sais, on savait pas trop. Tout d'un coup, il m'a dit, c'est toi, papa cassette? Je dis, ah ben oui. Hey, j'ai vu ton vidéo. Puis là, il m'a dit, dans mon vidéo, je disais que le propriétaire était un sympathique metalhead, tu sais. Ah ouais, ouais. T'as dit que j'étais un metalhead, là. Tu sais, j'ai bien aimé ça. Nice. Fait qu'on est chumé, c'est bien cool. Ah, c'est cool. Mais j'ai rien trouvé ce fois-là, mais il m'a dit qu'il allait en avoir plus là, pour la prochaine fois. Puis, t'as pas ouvert sa voûte, genre une porte magique en arrière. Il n'y a pas de voûte à jouer. Saute d'un jeu comme Scrooge McDuck, man. Est-ce que ça a été hot? Il va falloir que tu t'annonces à toi. En fin de semaine, je vais passer à votre musique. Exact. Sors ton matos. Mais non, à la place, j'ai arrêté dans un free game. Ah ouais. Dans un centre d'achat à Thetford, proche d'où est-ce que ma grand-mère et mon grand-père habitaient à Thetford, d'ailleurs. Mes parents viennent de là. Puis, je savais pas qu'il y avait un free game à Thetford. Je savais qu'il y en avait un à Saint-Georges, un à Sainte-Marie, en Beauce, mais à Thetford, je savais pas. Okay. Puis, je suis allé, puis il y avait des affaires pas pires. Il y avait un Sky Blazer complet en boîte. Il y avait un Shanté original, cassette. Ça, mais le label était arraché, par exemple. Mais il vendait quand même quasiment 200$ et tout. Là, fait que au travers de tout, il y avait des jeux pas pires. Cette fois-là, je me suis pogné Nightshade au NES pour 15$ et le jeu de Game Boy dont je vais vous parler, Burry Fighter Deluxe pour 5$. Puis moi, j'aime ça m'acheter des jeux de Game Boy à 5$. Tu sais, ben il me semble que c'est ça le prix d'un jeu Game Boy pas pire. Fait que, mais finalement, il en vaut. Ça te forge pas, jamais. Non, c'est jamais que ça te forge d'acheter un jeu à 5$. Jamais, man. Ça peut être de la marde. Exact. Tu vas dire, bon, je l'ai, écoute. C'est comme une revue. Exact. Puis là, j'ai été chanceux parce que c'est crissement bon. Ouais. Puis d'ailleurs, j'ai regardé dans mon application, puis il en vaut plus, plutôt 15 à peu près. OK. Fait que c'est cool. Puis, un bon deal. Un très bon deal. Puis d'ailleurs, pour faire un lien encore, j'avais vu Burry Fighter au NES dans un free game à Saint-Georges, justement, à 11$ il y a plusieurs années. Je l'ai pas acheté. Puis on l'a vu chez GameX à Saint-Jérôme. Ah ouais? Aussi, il était là avec Carl. Je le prends dans mes mains un moment donné, puis j'ai décidé, ah non. Mais là, après avoir acheté la version Game Boy, ça me prend la version NES. Ouais. Parce que ce jeu-là, c'est cool. T'es un dude avec un gun qui flotte dans l'espace. Un jetpack. Ça fait penser à Scat, un peu, au NES. Puis tu tires dans toutes les directions, tu lockes dans des positions diagonales, en avant, en arrière, en haut, en bas, dans tous les sens. Okay. Puis c'est sur rail. Donc tu flottes dans les airs, puis ça l'avance tout seul. OK. Puis il y a 5 niveaux à peu près. La musique est vraiment bonne. Puis t'as 3 armes différentes, je pense. Puis chaque fois que tu pognes ta même arme encore, puis t'en pognes souvent, là, ouais. Ben, ça, dans le bas, ça marque, ça, ça la power up, tu sais. OK. Mettons, t'as un laser, puis mettons, t'as un wave, là. Je dis ça de même, j'ai oublié le nom des autres. Ah, excusez! T'as parti sa musique. Bon, mettons, tu pognes deux lasers, ton laser est à deux, puis là, tu pognes un wave tombe à un, mais là, tu repognes un laser, oups, ton laser est à trois, tu sais, ça s'accumule en, en bas. Puis, plus que t'en ramasses, plus que tes armes deviennent fortes, puis ça, ça va rester tant que tu meurs, tu perds pas tes trois vies, tant que tu prends pas un continu, dans le fond. Okay. Fait que t'essaies d'en ramasser le plus possible. Tu peux, t'as aussi une genre de boule, là, qui tourne autour de toi, qui sert à, genre, absorber les balles, puis à tuer le monde. OK, là, tout le temps, cette boule-là? Ben, non, faut que t'en ramasses, faut que t'en trouves. Okay. Puis c'est ça, le niveau est sur rail, il avance tout seul. Puis des fois, tu choisis la direction où est-ce que tu vas. Okay. Tu sais, c'est pas, ils ne mettent pas des flèches ni rien, mais si tu pèses plus dans une direction que l'autre, ben wow, le niveau va se transporter de ce côté-là. Ouais. Fait que ça, c'était cool. Tu pognes aussi des genres d'items qui font que, bon, c'est une attaque spéciale là, qui pète tout dans l'écran. Fait que ça, tu les accumules aussi. C'est un jeu de Game Boy qui fonctionne avec des passwords. Alors ça, c'est très bien. Ah, oh, ça, c'est cool. C'est très, très bien. J'étais vraiment content. moi, je prends en photo les passwords avec mon téléphone, puis je garde ça dans mon album photo. Puis quand je veux rejouer, ben, je sors mon téléphone, puis je rentre le password. Oui. C'est, faites ça, mesdames et messieurs. Puis c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de niveaux, par exemple. Je pense qu'il y en a 4. 4 ou 5 gros max. C'était puis, c'est souvent ça, ce Game Boy, hein? 5 stages. Ouais, ouais, c'est pas long. C'est comme la norme, on dirait. Exact. C'est... Non, 5, that's it. Il y a des gros boss. Les boss là-dedans sont big, sont impressionnants. Okay. Puis, mais c'est pas trop dur. Ben, t'as, je pense, 3 niveaux de difficulté. Moi, je l'ai mis à normal. Je joue toujours à normal pour commencer. Et c'est dans la trempe des, c'est dans la gang des jeux qui font que, genre, si tu le finis pas à hard, t'as pas une vraie fin. Alors, là, une fois que je l'ai fini, je me suis dit, ah non, là, ça me tentait pas de recommencer au complet. Alors, je n'ai pas vu la vraie fin. Mais tu sais, un long play ici, ça dure 27 minutes. Fait que quand même, bon, attends, c'est une demi-heure là, de une jeu. Demi-heure, là. C'est pas mal ça pour les jeux de Game Boy. Exact. C'est une belle petite demi-heure investie. Vous allez aimer ça, sérieux. Ça se fait bien. Puis quand même, à normal, tu sais, j'ai pas eu de misère. Là. Non. J'ai fait ça. Puis, tu sais, il y a un niveau que j'ai recommencé une couple de fois. Ouais. Le boss de fin, je l'ai pété assez facile. Les boss sont faciles, en fait. Là. T'es détruit, là, mais solide. Surtout, on voit du gameplay ici. C'est ton téléphone. Le gars, il est salement équipé. Eh oui, c'est ça. Tu démolis le boss en 2 secondes. Fait que non, c'est bien fait. L'interface est beau. Ça fait penser à Life Force un peu dans un sens à cause que c'est un shmup. C'est comme si c'est comme un Life Force mélangé avec un Contra. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment pas c'est pas frantic, tu sais, c'est pas fou. Non, c'est ça, ça va pas très vite. Ah, tu capotes, ça shoot partout. Mais Burry Fighter sur le NES, est-ce que ça va vite? J'ai l'impression qu'il doit aller plus vite parce que le Game Boy, tout va toujours un peu moins vite. Ouais, c'est ça. C'est toujours comme ça. Mais je suis très content d'avoir découvert et d'essayer finalement les Burry Fighter. Puis maintenant, je veux absolument la version NES. Ça va me la prendre. Info complémentaire. Ouais, pour ceux qui sont dans le chat room, allez voir, je vous ai copié un lien vers la pochette qui est incroyable. Très, très belle pochette. C'est un jeu de Taxan en plus. Exactement. Taxan qui font pas des jeux que je trouve. Sur NES. Que je trouve, excusez, très, très hot. Ouais. Genre Low-G Man, Mappy, puis tout ça. Mais ils ont des bonnes Magician. Ah oui, ils ont des belles pochettes. C'est la pochette de Magician, puis Low-G Man, c'est qui sont hot, ces pochettes-là. Puis Burry Fighter fait pas exception. Mais là, ils ont fait un... C'est une réussite, man, ce jeu-là. Je comprends pas que ça ait pas été plus loin. Y en a-tu d'autres? Pas à ce que je vois. Par contre, y a pas de niveau de difficulté easy, medium, hard. C'est 3 settings. C'est Eagle, Albatross et Ace. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils disent là, dans c'est les... C'est cool, ça, par exemple. Ah, c'est hot quand ils mettent des vrais noms. Exactement. C'est ça. Mais ben, ça, c'est ça. Même Scat, tu sais, il n'y a pas eu de suite. Puis pourtant, Scat, moi, c'est un de mes meilleurs jeux de NES. Ben là. Oui. Où est-ce qu'ils sont les jeux de même de gars qui flottent dans l'espace et qui tirent partout? Il y a Space Marauder. Il y en a juste deux, là. Il y a Scat et Burry Fighter. Dans le fond, Space Harrier. Ouais, mais ça, c'est comme en 3D, puis tu vas vers l'avant. Ça, c'est. Mais de côté, tu sais, il y a Abaddox. Oui, t'as tout à fait raison. Puis je viens juste de me le pogner, ce jeu-là, puis je l'ai essayé un peu, puis j'ai vraiment aimé. C'est vraiment bon, Abaddox. C'est dur, par exemple. Jeu de Natsume, hein. C'est Michael qui m'a dit ça. Mais t'as souvent des jeux, justement, des espèces de jeux de mecs. Que les autres, des espèces de robots mecs qui sont dans les airs, c'est qui vrai. Sont de gauche à droite. Fait que... Mais ils marchent aussi, les mecs. C'est ça, ils marchent. Ça, c'est tu flottes tout le temps dans les airs. Ah oui. Mais c'est ça qui est le fun aussi parce que tu barres dans les. Tu locks ton tir dans plusieurs directions. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Ça me fait penser. Ça me rappelle un peu la mécanique de Twin Stick Shooter que j'aime tant. à Smash TV puis non, à Renegade Ops. Oh, un flashback. Fait que c'est ça, les amis. Si vous voyez Burry Fighter sous une forme ou une autre, c'est un achat sans se poser de questions. Ouais, c'est sûr, man. Ouais. Moi, je vais te parler de ce qui est déjà un classique pour moi, ben franchement. Ouais, c'est en mode du gameplay. C'est ça, je t'entends que je mange des gameplay des parce affaires molles. Là, c'est moi. Je vais faire de même. Ouais, mange. On m'entend pas manger, on va manger. Faut se sustenter. Des affaires molles. C'est-tu, man. Présentement, ça fait un excellent moment de podcast, d'ailleurs. Ouais. Oh. Tain, ça, c'est du gameplay. All right. Excusez pour la petite pause, trouver du gameplay pour mon comparse. The Swapper, c'est un jeu qui se passe dans l'espace. C'est un jeu de puzzle, un genre de comment je pourrais dire ça? C'est comme un platformer, mais plus orienté vers le puzzle. C'est donc bien beau. C'est ça. C'est tout le jeu est fait. Est ça me fait penser à Cave Story. Ouais, c'est ça. Mais crissement next level, là, tu sais. Ouais. Non, ça, c'est liché, là. C'est réaliste, là. Non, c'est super beau, c'est réaliste. Puis ce qui est le fun, c'est que le jeu, t'as vraiment une ambiance de Metroid. Oui. Le premier Metroid, s'il était fait genre next-gen, là, ça serait ça. Puis t'as vraiment le feeling de l'espace, le côté froid, sombre, lugubre, mais en même temps, c'est vraiment, justement, c'est un jeu qui est space. Tu sais, t'es dans l'espace sur une base spatiale, t'essayes de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, t'essayes de sortir de là. Il y a un narratif dans le jeu, mais le narratif est tout placé dans des espèces de journal audio qu'il y a eu un peu partout sur la base. Mais c'est pas ça qui t'attire vraiment dans le jeu. Ce qui t'attire, c'est vraiment bon la qualité des puzzles. Parce qu'en fait, The Swapper, pourquoi ça s'appelle Swapper? C'est que c'est un astronaute qui, par une technologie X, est capable de faire des clones de lui. Okay. Il peut faire jusqu'à 4 clones de lui. Ah, c'est ça que je vois, là, ouais. Puis là, tu peux mettre un clone, puis lui, il va peser sur une Switch, puis tout ça. Ouais, la ouais. twist, c'est que quand tu fais un clone, il va faire exactement le même mouvement que toi. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui fait que ça devient difficile parce que tout le monde bouge en même temps et c'est un petit peu compliqué. Mais tu peux. Si ton clone se fait buter, tu meurs-tu toi aussi ou. C'est ça en fait. C'est que si tous tes clones se font buter, tu meurs. Mais il n'y a pas d'ennemis là-dedans. Ah, c'est ça, hein? Aucun c'est juste des trappes, puis des portes, puis des c'est trous. C'est ça. C'est, admettons, si tu tombes de trop haut, ben là, tu vas crever, tu sais. Ouais. Sauf que tu commences au début, puis tu fais juste genre, admettons, bon, t'en places un au-dessus d'une Switch, puis il va tomber sur la Switch, puis that's it. Ça commence de même vraiment tranquille, les puzzles, puis ça devient de plus en plus compliqué. Des fois, tu veux envoyer ton bonhomme un petit peu plus haut, puis finalement, t'as comme une espèce de lumière qui t'empêche de l'envoyer. Faut que t'ailles sur une Switch pour empêcher cette lumière-là pour que lui aille en haut. Il y a aussi des fois où il faut que tu montes plus haut dans les airs. Fait que t'en fais apparaître un dans les airs, tu switches à ce bonhomme-là qui, lui, est en train de tomber en chute libre, qui switch vers un autre, qui tombe en chute libre, ouais, qui switch. Je comprends, hein. Ça devient, mon gars, compliqué, là. Mais ça a tellement l'air de devenir compliqué à un moment donné. Là, c'est un moment donné, ça devient compliqué. C'est un jeu qui prend environ, là, je dirais, en tête, un bon 4 heures, là, sinon 5 heures. Mais ça va être un 4 heures vraiment chargé. Ouais. Tu as bien, bien du stock à découvrir. Mais c'est tellement beau, en plus. Là, c'est ça. C'est que c'est tellement beau, puis c'est tellement. La trame sonore est écœurante. Ouais. Puis moi, c'est vraiment là, comme un jeu d'espace, c'est de même, ça devrait être fait. Là, exact. Je trouve ça intéressant d'avoir un jeu d'espace où t'es pas. Où justement, t'as vraiment l'impression d'être seul. Là, t'as pas l'impression que tu vas pouvoir sortir de là ou revenir de là. Parce qu'on est habitué dans les jeux de l'espace, il y a tout le temps des bébites partout. Ah, ouais. Là-dedans, il n'y a aucune bébite. Il n'y a vraiment personne. Moi, je jouais à ça avant de me coucher, mon gars. T'avais la chienne, hein? tu dormais mal. Non, mais en fait, c'est ça. Il y a un côté creepy, mais en même temps, un côté vraiment beau au jeu qui fait que tu peux pas t'arrêter. C'est super beau. Puis pourtant, c'est super beau, c'est pas féerique là, l'environnement là, c'est de la roche puis tout ça, c'est juste par les éclairages qu'ils ont pris puis tout. Les portes là, avoue qu'ils sont pareilles comme dans Metroid, ouais, hein? c'est des bubbles là, qui ouvrent là, quand tu tires dedans, on dirait. Mais c'est ça, tu tires pas dedans, t'avances puis ça s'ouvre tout seul. OK, ouais, c'est ça. Mais ça ressemble, c'est la même chose que ça fait là, c'est vraiment. Mais ça devrait tellement être de même le prochain Metroid 2D, hein, comme tu dis là. Le prochain Metroid 2D, si ça ressemble à ça, on va être vraiment chanceux. Mais ce jeu là, de toute façon, eux autres, ils ont gagné déjà une tonne de prix. Okay. Okay. C'est un jeu qui fonctionne vraiment beaucoup, surtout sur Steam, ça a eu un gros succès. Ouais. Puis là, il est sorti sur PS4, PS Vita, PS3, je pense. C'est un cross-buy, il me semble, JS, si je me trompe pas. Je vois pas si c'est un cross-buy, mais oui, PS4, PS3. Il est sur les trois, c'est ça. Je pense il est sur Wii U aussi. Ouais. Linux, encore, Mac OS. Wii U, c'est le fun, ça? Oui, mais Wii U aussi. Good. Microsoft Games. Mais c'est vraiment ce jeu-là, là, c'est, moi je dirais que c'est dans les plus grands incontournables de l'année. C'est vraiment comme une surprise sortie de nulle part. Je sais que sur PC, je pense qu'il était sorti l'année passée. C'est pour ça que je suis vraiment en retard des nouvelles. Okay. Moi, j'ai joué sur console. Ouais, 30 mai 2013 sur Windows. C'est ça. Sauf que si je me trompe pas, d'après ce que j'ai pu voir sur les images PC, la version PS4 est améliorée quand même. Le graphisme a été amélioré. Ouais. Fait que c'est ça, mais vraiment là, manquez pas ça, sérieux là, c'est tellement du bonbon là. Si vous aimez les jeux d'espace, les jeux de puzzle, oui, mais particulièrement si vous aimez les jeux de l'espace là, si vous tripez sur 2001 Odyssée de l'espace, ce genre d'affaire là, ouais, vous allez capoter là, c'est vraiment vraiment bon. Puis sur PS Vita, c'est le fun parce que t'as une proximité avec ton jeu, c'est que ça. Moi j'aime beaucoup dans les jeux d'ambiance, tu sais, que t'es dans ta bulle, fait vraiment dans ton affaire avec des écouteurs comme un jeu devrait être joué. Ouais, absolument. Fait que, c'est combien ça à peu près? 15 aussi? Ça aussi c'est un 15$. Ça s'en vient pas mal une norme, on dirait, pour les jeux indépendants. Ben, les jeux indépendants, ouais, hein, qui ont du contenu pas mal, là, un bon 15$ la plupart du temps. Là. J'avoue. Encore une fois, très bien investi. Sérieux, à soir, j'ai les quais, c'est bon. C'est des bons jeux en salle. Quoi. Ouais. C'est bon. Puis c'est encore un studio indépendant qui fait un bon jeu. Facepalm Games, c'est leur premier jeu. C'est une compagnie en Finlande. Hey, quand même, des Finlandais. Ouais. C'est cool, les Finlandais. Helsinki, en Finlande. Hey, c'est fou, c'est loin, mais les gars, vraiment, là, ils ont énormément de talent. Puis si c'est ça le premier jeu, imagine là, la Suisse. Si c'est ça la Finlande, j'y vais demain matin. Saku, cueillez-vous, Asti, puis Swapper. Ah, ben, on me parle pas sur Saku. C'est ça. Chérie, pars le char. On s'en va en musique avec Pistol Shrimp de Rogue Legacy. Donnez-moi Rito Nouveau. All right. On est-tu revenus? Ben, on va revenir, ça sera pas long. Le monde nous a entendu. Ouais, il nous entend, il nous voit et on revient à l'instant. On le demande, on le demande à chaque fois. Là, on est sur. Là, Jean-François, là, ça marche. Si la lumière est bleue, là, est allumée, c'est parce qu'on est live. Ah. La lumière bleue. OK. Eh ben, tabarnouche. Ouais. C'est à mon tour de partir ça avec mon grand coup de cœur de ces derniers temps. Hey, écoute, on te voyait encore là-dessus quand on est arrivé. Quand vous êtes arrivé tantôt, j'étais totalement en train de jouer et j'ai totalement battu mon record encore. Bravo! Une fois. Je joue à Tapper, un grand classique d'arcade. Si on voit le board aujourd'hui, est à 51 825 et c'est moi qui mène. Mais il faut dire que je joue régulièrement, donc c'est normal. Ouais, c'est ça, t'as une machine chez vous. Ouais, mais je joue pas à tous les jours non plus, là, parce que j'ai pas le temps. Je travaille à maintenant. Mais les gens qui viennent aux soirées, là, jouez à Tapper et essayez ça. Là. D'ailleurs, ce tableau-là, c'est un work in progress. Hein? Yes, sir. On veut que les scores augmentent là-dessus tout le temps. Je le publie de temps en temps sur mes affaires de Papa Cassette, tout ça. Juste pour montrer au monde que tu torches plus à Tapper. Ben, c'est le seul jeu que je domine, parce que sinon, c'est Kevin Bourret, alias Yokin du CCJVQ, qui mène à plusieurs jeux. Puis il y a des jeux là-dedans que juste une personne a joué une game. Je pense à Ellie qui a joué à Berserk, donc avec un score de 1710. Ça doit être facile à battre, ça. Je pense si on s'achève un petit peu. Mais tu sais, dans la vie, man, t'es mieux de te fixer. Là. Tu te fixes un jeu, puis tu domines à celui-là. T'sais, un peu comme Eric qui est aux soirées. Eric Hébert, qui est un excellent joueur de Mortal Kombat 2. Ouais. Lui, tu vois qu'il a du métier là, en arrière de exact. Il domine le jeu. C'est sa série. Oh, alors, c'est ça, c'est clair. Ben moi, c'est ça. Je me suis fixé à Tapper, puis je me fixe aussi en second objectif à Juno First. Oh, mais là, je comprends pas. Francis Boucher, qui est venu à la première soirée ici, a établi un score de 86 140. Puis je joue, man. Je joue, puis j'arrive jamais plus que 45 000. J'ai aucune idée de Calis, comment est-ce qu'il a fait. Ça me fait capoter. Parce que c'est ça, Juno First et Tapper sont mes gros coups de cœur d'arcade cette année. Oui. Et je les ai découverts. Non, Juno First, je l'ai découvert à Ottawa. Ouais, puis Tapper, je savais que ça existait, mais j'avais jamais joué vraiment. Je l'avais au 2600, mais c'est pas pareil. Moi, c'était sur Commodore 64, man. Ouais, je jouais à ça avec un de mes chums dans le bureau de son père, puis on jouait des games de Tapper. C'était tellement le fun. C'est tellement hot. Puis il y a une version Coleco aussi que j'aimerais avoir, mais, mais à cette heure qu'on a une meme ici, ben je joue à ça. Mais puis oui. Dans le fond, pour expliquer aux gens, Tapper, c'est un jeu... Jeff, tu vas peut-être pouvoir m'aider un petit peu là-dessus. Oui. À la base, c'est un jeu que Budweiser a calé. Je pense que c'est une pub pour Budweiser. Ouais, exact, parce qu'on voit le gros logo de Budweiser dans le décor du jeu au départ. Dans le fond, t'es un barman, puis t'as 5 bars alignés à la verticale, ben à l'horizontale. Oui. Puis toi, tu switches d'un bar à l'autre, puis il y a du monde qui s'en viennent vers toi. Oui. Puis ils ont soif. Tu vas en bien. Toi, tu leur fais glisser des bières comme dans l'écumique tout le long du bar, puis eux autres, ils pognent, tu sais. Puis quand ils ont fini des boires, ben des fois, ils te renvoient le boc. Fait qu'il faut que tu rattrapes le boc, faut pas qu'il casse. Puis il faut pas que t'envoies un boc de trop plein de bière non plus, puis qu'il tombe au bout parce qu'il y a personne, parce que ça, avec, tu perds une vie. Des fois, ces gens-là aussi vont te laisser du tip sur le comptoir. Fait que là, il faut que tu partes à la course tout le long du bar pour aller chercher ton tip. Puis si tu réussis à l'attraper, ça va te donner beaucoup de points. Ouais. Donc, allez les chercher. Puis... il y a un show de danse qui va commencer en haut. Et là, il faut que tu fasses attention parce qu'il y a des consommateurs qui vont checker le show de danse. Ils vont se tourner le dos. Fait qu'ils n'attraperont pas les bocs que tu lances. Fait que faut que tu regardes qui check le show, qui le check pas. T'sais. Mais ça dure pas très longtemps. Fait mais que... c'est ça, dans la version d'arcade, c'est ça. Moi, j'ai pas joué à la version d'arcade encore. Est-ce qu'il faut que tu remplisses les bières? Ouais, t'es rempli, tu gardes ton doigt sur le bouton le temps que ça remplisse. Ça remplit quand même très vite. Là. Ouais. Puis t'en shoot. Il y a 4 personnes, tu fais clac, clac, clac, clac. Ouais, j'ai fait 4 claques. Puis c'est ça, puis il faut c'est rien que ça dans le fond. Puis il y a de plus en plus de consommateurs, ils te renvoient de plus en plus de bocs. Ouais. Puis aussi ces consommateurs là, ils avancent tout le temps vers toi. Puis il faut que faut que tu leur donnes leur drink avant qu'ils t'atteignent, tu sais, parce que s'ils se rendent jusqu'au bout du bord, tu leur as rien donné, là ils te pognent. Et là, comme dans les culottes, encore une fois, ils te font glisser tout le long du bord puis ils t'envoient dans le décor. Tiki, le monde sont vraiment mean. C'est sauvage. C'est vraiment méchant. Ben, d'ailleurs, fun fact, Tapper est dans Wreck-It Ralph. Si vous avez vu Wreck-It Ralph ou les mondes de Ralph, il est dedans. Puis en plus, c'est là que tout le monde va prendre une bière après la journée d'arcade. Ben c'est le fun parce qu'il y a une belle démonstration de ce qu'est le jeu. C'est en fait le seul jeu qu'on voit vraiment du gameplay du jeu. en beau 3D Pixar. Exact. Ben, c'est pas Pixar, mais tu sais, c'est vraiment. Ce jeu-là, c'est vraiment un grand jeu, pareil. Parce que c'est un jeu qui existe encore aussi. Il est sur les plateformes mobiles aussi. Ah, c'est sûr. C'est ce genre de Tapper World Tour. OK. Je l'ai. Super le fun. Mais je trouve que la réponse est moins vite que l'original. Ouais, c'est ça. Puis aussi, avec le temps, ça s'est transformé parce que c'était un jeu Budweiser au début. Puis après ça, c'est devenu genre Root Beer Tapper pour les versions maison. Fait qu'il n'y aura pas de mention de bière nulle part. Non, c'est ça. Ça l'a changé. Mais c'est super simple comme mécanique, mais en même temps, je trouve ça très intelligent parce que faut que tu aies des yeux un peu partout, puis ça mélange la vitesse puis les réflexes, tu sais. Puis il y a des mini-games aussi. T'as comme 5 ou 6 canettes de bière alignées devant toi. Mais là, il y a un méchant qui les secoue toutes, sauf une. Okay. Donc, faut que tu spots c'est laquelle qui secoue pas. Puis après ça, les canettes s'interchangent comme ça. Oh. Faut que t'ailles pogner c'est laquelle la bonne canette. Oh, oui. Donc, des petites affaires de même. Là, ah, c'est cool. Donc, bien sûr, c'est tout simple. Là. C'est un vieux jeu, ça. Là. Mais moi, j'aime bien ça. C'est une mécanique super agréable. Les personnages sont un peu laids. c'est genre un joueur de basket, des filles tout croches, des joueurs de basket. Ils disent qu'il y a 4 niveaux différents que tu peux avoir. Un western bar avec des cowboys, un sports bar avec des athlètes, un punk rock bar avec des punk rockers. Je l'ai jamais vu, celui-là. Un space bar avec des aliens. Oh, là, t'es rendu loin. C'est les quatre niveaux que tu peux avoir dans le jeu. Nice. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'au début, c'est très lent, bien sûr. Mm-hmm. Puis comme tu shootes les bières à tout le monde, ça peut se finir tout de suite. T'sais, quand tout le monde a été servi, des fois, ils te renvoient pas le bas. Ils font juste comme pogner la bière puis disparaître dans le backstore. Okay. Puis quand il n'y a plus personne, ben le niveau est fini. Mais des fois, tu peux juste niaiser puis les laisser avancer. Puis il y en a d'autres qui sortent. Fait que tu peux étirer les niveaux, les premiers niveaux. Fait que comme ça, tu peux faire plus de points au début, ce qui est beaucoup plus facile puis avoir un meilleur score. Mais à la fin, moi, je suis rendu dehors, là, puis je pense que ça doit être ça, le sports bar. Je suis comme dans un festival, je sais pas trop. Okay. Puis là, man, je sers du monde, ça sort à 4 de la shot, là, tu sais, puis j'y arrive pas, là. Fait que j'aimerais ça me rendre au fouf, au moins, au punk rock bar. Ouais, là, c'est vraiment dehors, comme le sports bar, qu'est-ce que tu dis, là. C'est ça, le niveau 2, hein. Ah, ça doit être le niveau 3, le niveau punk, là. En tout cas, c'est mon prochain défi, man. Ah oui. Mais Tapper, c'est vraiment le fun. Puis si vous voyez ça, m'en émulez-le, tu sais, jouer à ça, c'est c'est bien trippant. Je sais pas s'il existe sur les consoles non plus. Là, ben, parce que Coleco, ben, je peux vous lister la quantité de consoles sur laquelle c'est disponible. Ils disent. Tu peux laisser faire les Amiga, les MSX et tout Ben là, tu me caches mon punch, là. Ben, Xbox 360, XBLA, puis iOS et Mobile Phone, il est disponible. PC c'est aussi. Ça. OK, ben il y a aussi Coleco. Arcade, Atari 2600, Atari 8-bit, Coleco, Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC, BBC, Micro, PC. Puis comme j'ai dit, les téléphones mobiles, Xbox 360, XBLA et iOS. Voilà. Bon. Jeu de 1983. Oh! Qui a fait ça, si tu écris? C'est Marvin Glass and Associates. Publisher, Bailey Midway. C'est ça, c'est Bailey c'est Midway. Qui fait ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr, il y avait toutes les machines à boules. Ouais, hein? Je savais comment ça marchait, Colin. En tout cas, à ajouter dans ma liste de cadeaux pour Noël, deux bornes d'arcade, Juno First et Tapper. Ah oui. Hey, une belle Tapper, ça serait malade. Ça serait vraiment le fun, effectivement. Très beau. Fait que à toi, jeune compagnon. Oui. Même si t'es plus vieux que moi. En fait. All right. Moi, je vais vous parler de Pokémon Rumble U, qui est pas un jeu récent. C'est un jeu qui est sorti quasiment. T'es en train de jouer, à tes Pokémon? Ben oui, man. Batarnache. Je suis en train d'élargir mes horizons. C'est bien ça. Ouais. Écoute, j'ai écouté les conseils de plusieurs sur Internet. T'as pas écouté les conseils de notre ami Nicolas Lachapelle qui disait de te commencer par Silver, je pense? Oui. En fait, Nicolas m'a aidé beaucoup dans ma quête pour les Pokémon. Okay. Parce qu'il m'a prêté un Pokémon sur DS pour que je puisse voir si j'aime ça. Ouais. Puis c'est ça, en fait. T'as pas aimé ça. J'ai pas reparlé. Non, mais c'est ça. Sérieusement, je pense que c'est mon genre. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais aimer. Même si j'aime pas les turn-based, la façon que la série Pokémon est faite, c'est plus simple, en fait. Ouais. Fait que ça vise un public plus large. Puis vu que c'est plus simple, ça m'attire plus parce que j'ai moins l'impression que c'est une job. Exact. Travailler à ça, jouer à ça. Fait que ceux-là DS sont vraiment hot. D'ailleurs, j'en ai deux à vendre. J'ai Black puis Soul Silver. que... Combien sur papacassette.com? Soul Silver, il est 50. Black, je pense qu'il est 20 ou quelque chose de même. Okay. Allez voir ça, papacassette.com, section DS. Magnifique. Ce site-là est solide. Merci à Jean-François Cron de Young Media. on plug la vie! Tight. Plug... Donc, tu peux continuer d'en critiquer. C'est ça. Fait que... Bref, sans parler des autres Pokémon, en fait, ce qui m'a ouvert les yeux à Pokémon, c'est que mes enfants, dernièrement, ont vu Pokémon sur Netflix. Ouais. Puis ont littéralement capoté. Puis là, ma fille trippe Pokémon, ça n'a aucun sens. Ouais, hein? Fait que là, elle veut tout de Pokémon, elle parle rien que de ça. Fait que là, elle a vu ça sur Wii U, sur le eShop. Je me promène tout le temps sur le eShop parce que ça, c'est une affaire à faire. Sur le eShop, faut y retourner souvent parce que des fois, il y a des deals. Puis personne ne l'a dit qu'il y a des deals. Ouais, tu l'as dit, c'est au dernier épisode, t'sais, d'ailleurs. Ouais. Puis faut que tu y retournes, tu sais. Ouais. Comme moi, faut que je me répète. Exact. fait que c'est ça. Non, mais c'est correct que tu le dises encore, faut que le monde le sache. Ben oui, exact. Puis ils ont peut-être pas écouté l'épisode 8. Non, c'est ça. Crime. En fait, tout le monde écoute. Oui, il était bon. Mais dans tout le monde écouterait de nouveau. Dans l'épisode 8, on parlait des questions du public. C'était le fun. C'est vrai, c'est vrai. On va le refaire, ça. Oui, on va le refaire, c'est certain. C'était le fun. Bref, ouais, reviens à ça, tabarnouche, Pokémon. Sacrament. Mewtwo, es-tu là-dedans? Ouais, Mewtwo est là-dedans. Oh! Avec des edges et tout. Oh. Puis Pokémon Rumble U, c'est Rumble, il y en avait eu un petit peu plus tôt, un Pokémon Rumble. Puis ce que c'est que c'est des combats de Pokémon, mais en real time. C'est vraiment en temps réel. Pour fesser. Tu pitonnes puis tu varges. Okay. T'es comme dans une arène dans Rumble U. Puis l'histoire, en fait, c'est assez cute. C'est que c'est des versions jouets des Pokémon. Ouais. Puis il y a quelques-uns de ces jouets-là qui sont tombés par terre en se rendant au magasin. Puis ces Pokémon-là doivent se rendre au magasin. Je vois déjà ton désintérêt, mais ça ne s'arrête pas là. Dans ma tête, j'étais en train de passer à la prochaine game de Blades of Steel. Make a pass! Make a pass! Make a pass! Make a pass! Fait que c'est ça, là-dedans... Là-dedans, tu combats d'autres Pokémon. Tu commences avec un Pikachu bien normal, puis qui est pas fort, puis tout ça. Puis t'arrives dans une petite arène, puis tu combats d'autres Pokémon. Il y en a 469 à attraper. Fait que c'est pas rien. Gotta catch them all, comme ils disent. Gotta catch them all, tabarnouche. C'est ce que j'ai dit à ma fille, puis elle s'est mise à la job. Ouais, fait que là. Fait que là, t'as la piste. Hey, on a, mon gars. T'as le temps de cuisiner des brochettes de poulet à tous les soirs, c'est. Oui, exact, j'aime tellement ça. Calice. Fait que là. Là, c'est ça. En fait, on est rendu à peu près à 250 Pokémon, là. Ça finit plus, mon gars. Ouais, il y en a tout le temps à débarrer. Il y en a 149 à débarrer, Bruno. 149, exact. Ouais. Hey, tu as vu, moi, j'avais mes données tout croche parce que j'avais écrit 469 sur mon petit bout de papier, là, très informatique. Non, mais 649 puis 469, t'as rien qu'à verser deux chiffres. Ouais, exact. Ça doit être la boisson. C'est la boisson. C'est le retour. Mais... ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que Rumble You, il n'y a pas plus que ça à expliquer. C'est que tu rentres dans une arène, tu fais... Tous les Pokémon ont des habiletés différentes qui vont te permettre de combattre. Il y a le fameux coup, mais il y a aussi une deuxième habileté pour certains qui vont te permettre d'avoir un genre de magie ou whatever. Ouais. T'as les Pokémon les d'eau, de chacun, feu, puis tout ça. Puis ça respecte vraiment chaque Pokémon dans leur nature normale. Puis c'est un jeu qui est parfait pour les kids. Okay. Là, ceux-là qui ont bad trippé puis qui ont chié par tous les orifices quand j'ai dit qu'Animal Crossing c'était pour les kids, capotez pas. C'est vrai qu'on a vu de la merde sortir de tous les orifices des gens. J'en ai su jour mon ordinateur le matin. Hey, Nell! Dans la face, ouais. Ça finissait plus, mon gars. C'est puro later. Tain, mon gars. You've been served. Tu sortais plus chez vous, man. Tu restais des brochettes de poulet à longueur de journée. Tu sortais plus chez vous. Mais bref, non, ce que j'allais dire, c'est que c'est un jeu qui est parfait pour les enfants. C'est très simple, en fait. C'est facile à expliquer à un enfant. En fait, tout ce qu'il y a à expliquer à un enfant, c'est... Un enfant pas trop imbécile. C'est les... Ouais, ça. On c'est souhaite ça. Tous ça. Est-ce que je suis rendu à ma cinquième bière? Oh, lisse, man. OK. Les enfants teflon. C'est dur de parler de ça. Ouais, non, c'est vrai. J'arrête pas de te couper. En plus, j'avais envie de te demander... Y a-tu un Pokémon de vitre? Y a-tu un que son élément, c'est la vitre? Sûrement. Est-ce que ça serait hot, mais une pitch de la vitre, c'est super coupant. Aïe, ça doit exister. Ça doit exister, un Pokémon de vitre. Tu le diras, Jeff, si tu vois du monde dans le chat qui parle de Pokémon de vitre. Ben là, vous êtes informés dans le chat, répondez-nous. Ben oui, voilà. Moi, en fait, là, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'allais dire tantôt avant qu'on parte notre dérape, c'est que c'est parfait pour les enfants dans le sens que tu y passes la manette, tu y dis « joue avec moi », puis « that's it ». Il y a deux il boutons, comment il avancer, bouge un peu, puis ma fille, j'ai rien eu besoin d'y dire. Là. Mm-hmm. Puis ça a été instantané, parce qu'au final, tu frappes, puis that's it. Puis tu pognes un Pokémon plus fort pour pouvoir frapper plus fort puis réussir plus. Puis ton Pokémon peut c'est s'upgrader? C'est du button mashing. Peux-tu transformer? Non, c'est ça, il s'upgrade pas. Tout ce qui arrive, c'est que tu veux tout le temps en avoir un plus gros. Puis tu sais, t'as des boss là-dedans, ce qui fait que t'as besoin d'avoir un plus fort. Puis t'as tout le temps les stats de ces Pokémon-là qui font que tu vas en décider d'en avoir un plus fort ou dépendant justement si c'est un Pokémon de feu, ben tu vas essayer d'en pogner un d'eau. Puis tu sais, t'as quand même des petites décisions à prendre, mais tu peux les prendre ton enfant si c'est pas lire, surtout que le jeu est en anglais mais quand même, ça c'est pas fort. C'est pas un peu plate ça, mais que les Pokémon se transforment pas. Il me semble dans ma tête, mettons Pikachu, il se transformait en Raichu, je pense, un truc du genre. Ouais, mais ça, c'est ça l'affaire. C'est que là-dedans, eux autres, comment ils arrivent à s'en tirer avec une explication, c'est que c'est des jouets. Des jouets, ça s'upgrade pas. Fait que ça, c'est plus des jouets, tandis que les Pokémon, ben c'est comme des animaux. Fait que eux autres, ils peuvent s'upgrader et être de mieux en mieux. Mais Mewtwo sera toujours meilleur que Pikachu. Puis, c'est ce qu'il faut retenir. Le jeu coûte 20$ et c'est un 20$ très, très, très, très bien investi. Ça me semble c'est cher un peu. Gotta catch them all. Ouais. 649 Pokémon, mon gars, ça t'en fait là, du grinding. Par 20, là. Ça revient pas cher. Hey, c'est du stock. C'est long, là, tout débarrer ça. Puis, sérieusement, pour un adulte, puis encore une fois, pas de hate mail, s'il vous plaît. Pour un adulte, ce jeu-là, tu vas finir par te tanner. Là. Ouais. Mais avec un enfant, sérieusement, là, pour des quickies, admettons que je sais pas, moi, ton gars veut un 15 minutes là, avant le souper, là, une petite game de Pokémon c'est Rumble ça. U, là, puis ça le fait, là, c'est vraiment parfait. De toute façon, il n'y a rien d'autre sur Wii U. On soit du hate mail encore! La marque qui sort des orifices des gens! C'est une joke, c'est une joke. En fait, non, ce que j'allais dire en dernier, c'est que le Gamepad sert à quelque chose pour le jeu. Premièrement, tu peux jouer juste sur le Gamepad, mais aussi, tu peux comme remplir une barre d'énergie, de diamants. Puis après ça, tu touches l'écran comme un malade, puis ça pitch des affaires sans arrêt à l'écran. C'est justement parfait pour... Parfait pour les enfants. Fait que l'enfant veut tout le temps le Gamepad. Puis tu peux jouer jusqu'à 4 personnes en même temps, ce qui est quand même assez cool. Fait que toi, tu te mets des Wiimotes avec ça. C'est ça. Tu te mets des Wiimotes, puis ça marche. Je joue aussi avec le Controller Pro, que j'adore d'amour. C'est tout le temps moi qui l'ai, la manette. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça. Bref, très bon jeu, sérieusement. Un très bon jeu de Pokémon. Et un moment donné, il m'a bien parlé d'un vrai gros jeu de Pokémon à rétro nouveau. C'est une belle introduction. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Là, je commence. Puis ça pourrait être comme justement mes premiers pas de newbie vers les Pokémon. Mais... je suis attiré. Alors, merci beaucoup à tous ceux-là qui m'ont intéressé à Pokémon sur Twitter. Entre autres, je parle d'Antoine Bouchard, qui m'en a souvent parlé. Oui, oui. Sur un gars, d'ailleurs, qui est très, très, très passionné par les RPG, sérieusement, si vous aimez ça. Oui, il est passionné de RPG. Les JRPG, ce gars-là. De Pokémon aussi. Il m'a acheté des Game Boy Pokémon. Il m'a acheté des RPG au PS1 la semaine dernière. Il fait une chronique JRPG, je pense, sur l'épée légendaire également. Exact. Ah, oui. Ouais, allez voir ça pour faire. Un gars super talentueux et passionné, sérieusement. Suivez-le. C'est super intéressant. Ses affaires, puis c'est ça. Fait que merci d'avoir allumé la flamme sur les Pokémon. Je ne suis plus ignorant, puis ça me coûte cher en sacrifice de figurines. Fait que c'est ça. Et Dom, pour ton information complémentaire, dans la série télé des Pokémon, il y a un Pokémon qui s'appelle Crystal Onyx qui est fait de vitres de cristal. Hey, ça a pas été long, c'est devenu mon préféré. Voilà, il est beau. Il a un gros étron bleu. Bleu? Attends, faut que je regarde. Tu le vends bien, GF. Je suis sûr que ça a l'air d'un étron bleu. Hey boy! OK, ouais, non, c'est comme un serpent de mer en cristal. Tu sais, tu cherches un... C'est vrai qu'il a l'air d'un pénis qui sort de l'eau. Ben, tu sais, si tu cherches un tatou à faire, Dom... Je pourrais bien le faire sur le chest ici, puis il me remonte dans le On parlait de marde qui sort des orifices. Il y en a une marde qui sort d'un orifice, là. Et voilà. Allez voir ça. Colin. Mais je suis content qu'il y en ait un, par exemple. Tu vois, il pense à tout. Fait que puis d'ailleurs, c'est ça, d'après ce que je disais tantôt, je veux ouvrir mes horizons. Fait que là, cette année, moi, c'est... Puis d'ailleurs, Antoine, merci, tu m'as comme donné le goût. Fait que les RPG, j'embarque un peu plus là-dedans. D'ailleurs, c'est ça, je vais faire Tales of Exilia 2 à Monsieur Net bientôt. OK. Oh, fait que c'est ça, fait que là, j'embarque un peu plus là-dedans. Même que je pense que je vais me lancer dans Diablo, qui est... plus un action RPG. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse plus, par beaucoup. Au PS4, celui-là, le Diablo 3. Ouais, PS4 au PS3. Apparemment, qui est meilleur que la version PC. Oui. Sur les contrôles. C'est bizarre, mais j'ai hâte de voir ça, C'est ce que tout le monde dit, enfin. C'est ce que Max Tremblay disait, Max Tremblay, je sais pas quoi, la guerre des consoles est gagnée. Mais Diablo, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, tout le monde... Tous les gamers PC vont tout le temps dire comment c'est meilleur. C'est sûr. C'est sur console, fait que c'est de la merde. Ouais. Ben là, c'est. Moi, ben, je peux pas comparer. Un jeu comme Diablo qui est un point and click depuis toujours. Ben c'est ça. Ben oui. J'ai hâte de voir la version PS4, moi aussi. Ben moi, en fait, ça serait plus un jeu comme, mettons, StarCraft ou des affaires de même. Ouais. Ça, j'avoue que sur console, ça doit être bizarre avec le pointeur et tout. Ben en tout cas, moi, j'ai StarCraft 64 à vendre au Nintendo 64. Un bel item à votre collection 64 à 50. Ah, mal le prendre. T'as tellement de choses dans ton coffre au trésor. C'est clair. Mais toi, tu parlais d'élargir tes horizons. Moi, peut-être cette année, je vais faire un effort pour élargir mes horizons au niveau. Je vais rien dire de grave, là. Dans le chatroom, on parle d'ouvrir des orifices présentement. Là, au niveau des first-person shooters, faudrait là, que je sois capable. Tu sais, j'ai acheté, moi, dans le temps, Portal 2. Ouais. Puis, j'ai jamais réussi à jouer à ça parce que c'est tabarnak, man. C'est fucked up. Mais je commencerai par 13 sur GameCube. Un jeu qui est trop souvent passé inaperçu. Il est au PS2 aussi, puis paraît que c'est bon. Il est au PS2. Moi, je joue jamais mieux sur GameCube parce que GameCube Rules. Ah, mais sais-tu qu'est-ce qui rule et qui est crissement plus badass? J'ai envie de commencer avec Alien vs Predator au Atari Jaguar. Oh shit! Je pense que ça le ferait en maison. Parce que c'est un des meilleurs jeux sur cette console. C'est-tu ça là, tu peux choisir les Marines aussi? tu peux choisir un prédateur, un alien, puis un exact, marine. Exact, je pense que oui. Ah, ça, c'est il paraît fort, qu'il est là. Très bon. Ouais, jeu, c'est écœurant. Mais ça, j'ai joué sur ordinateur, justement, un des seuls jeux joués là-dessus. OK. C'est bon en Christie, là. Bon, ben, voilà, mon gars. Ah, ben, là... je pense que je vais commencer par ça. Commence en bas, tu sais, puis doucement. Après ça, je vais peut-être jouer à Doom. Pour la première fois. GoldenEye. Wolfenstein. Ah, j'ai joué à GoldenEye, par exemple. C'est terrible. Ben, ça a tellement mal vieilli, je trouve. J'ai assez joué. Ben, je joue contre un gars, qui est ben trop fort, là, tu sais. Mais. Ouais. Mais j'ai pas haï ça, par exemple, pour vrai. Là, j'ai pas haï ça du tout. Jouer à GoldenEye, la campagne était le fun. La campagne est super le fun. Ouais. Ben, moi, je le mettais à. C'était quand même facile. Là. Je le mettais à facile. Là, mais quand je le mets à vraiment comme next level, là, ouf. Ça dure pas longtemps. En tout cas. Ben, sont tough, les first-person shooters des premiers là, qu'il y a eu sur console. C'était tough parce qu'ils savaient pas comment dealer que la. Avec la 3D, l'environnement 3D, fait que ta réticule, elle part, mon gars, en tous les sens. Pis ah oui. C'est tough. Problème de réticule. Oui, moi aussi, j'ai des problèmes de réticule. C'est ridicule, ça. Il n'y a pas de problème de réticule dans le prochain jeu que je vais vous parler. Ça n'aurait mérité. Hein? Ah. Yeah! Mais tu parlais de Pokémon, man, puis j'aurais voulu faire un segway, mais là, on s'est tellement écarté. Je voulais parler d'animaux, là, puis de jeux d'animaux, là. J'ai enregistré avec Michael Lerouche, alias Dark Shock sur RetroGamer.ca. Ouais. Un de ces fameux épisodes de « T'as encore acheté des jeux ouais. ». Je te jure que c'est le meilleur titre d'émission au monde, là, parce que nous autres... Ce que ta blonde va te dire. Ben, c'est ça. Nous autres collectionneurs, on se dit tout le temps ça, tu sais. D'un coup, tu dépenses, sans crier gare, 70$ dans une journée pour acheter des jeux, tout ça. Quand dans ta tête, le soir, tu dis « Calisse, encore acheté des jeux », tu sais. Ouais. Ça marche très bien. Donc, on a tourné ça ici, puis dans tous les jeux que lui avait acheté, vous verrez ça sur Conservatoire Retro. Là, il va publier ça plus tard, je vous tiendrai au courant. Yes. Puis il a amené Snoopy City Sports Spectacular. Oh! Tu connais ça, ce jeu? Non. C'est comme Winter Games, okay. Mais de Snoopy. Oh, donc, ouais. Les jeux que tu as à faire là-dedans, tu as une course de sac, là, une poche. Ouais, là, une poche de patates. Exact, exact. Tu cours là-dedans. Tu as un parcours à obstacles sur un pogo stick. OK. Tu as transporté, genre, plein de pizzas empilées les unes sur les autres. Puis si tu avances trop vite, tu les drops. OK. Quoi d'autre, man? Ah, tu dois avoir lancé. C'est City Sports Spectacular, c'est ça? Silly. Ouais, Snoopy's Silly Sports Spectacular. Quelle autre épreuve qu'il y a, JF? T'es vois-tu? Non, j'essaie de regarder rapidement. Là, mais on avait vu quand même 6-7 bières ce soir-là. En tout cas, man. Mais tu peux le faire à la Skate or Die. Tu peux faire épreuve à la fois pour le fun ou sinon, cool, tu les clenches toutes une après l'autre puis ça joue à deux. Un lançage de bottes aussi, qu'ils disent. Ah oui, c'est ça, le lancer de la botte. Oui, c'est un jeu de Kemco Seika. D'ailleurs, comme je disais dans cet épisode-là qu'on a enregistré, toutes les pochettes de Kemco Seika, pas Kemco, là, Kemco Seika, le petit rectangle en haut à droite, c'est tout dans un triangle sur la pochette, puis comme le visuel sort du triangle un peu. Dans Desert Commander, on a un très bel exemple. C'est vrai. Donc, puis Rescue the Embassy Mission aussi. Donc, c'est ça. Moi, Snoopy, je voyais ça, c'est de la crise de merde, ça. Mais en jouant, puis on a juste fait deux games. Ah, il y a aussi une bataille sur une sur une gondole, même, à Venise. À Venise. Puis c'est super le fun. Pour vrai, là, c'est vraiment le fun. Parce que c'est simple, tu sais, c'est du pitonnage, puis c'est de la petite stratégie. Faut-tu faire une compète de ça à Soirée Papa Cassette? Ben, totalement, ça serait tellement parfait, à Tremblant aussi, ben oui. Tu sais, il faut amener ça. C'est parce génial. Parce que tu te casses pas la tête, que genre, si c'est pas pile de pizza. Là, c'est ça, la pile de pizza est vraiment hot. Faut que t'ailles très doucement pour amener le plus de pizza possible. C'est un no-brainer. C'est le genre de jeu là, que t'es chaud, tu sais. Puis t'es comme, ah, fuck you, on se fait un 2-3, tu sais. Puis là, ça fait boule de neige, man. Puis ça finit que tu passes une heure à jouer à ça, puis tu t'en rends même pas compte, là. C'est ce genre de jeu-là, tu sais. Le graphisme est bien correct aussi, là. Ça, c'est bien joli. La musique, je pourrais pas vous dire, là. Mais j'aimais ça sur NES, moi, les jeux comme ça. Les jeux d'épreuve, là, que t'as un écran fixe puis tu fais des affaires avec ton bonhomme. Exact. Suite, là. Puis chaque écran qu'il y a avant chaque épreuve aussi est joli. Là, oui. Snoopy qui s'enfarge, tout ça. Fait que c'est un jeu qui coûte rien. Là. C'est genre ah oui? 5-10 piastres gros et max. Si bol, okay. Puis c'était un jeu de party. Moi, je vous dis, vous allez sûrement voir ça un moment donné ou un autre, ce jeu-là. Puis Michael, lui, avait joué quand il était jeune puis il avait vraiment trippé. Fait que c'est pour ça qu'il se l'est repogné. Fait que on a joué après sa capsule ici puis on a vraiment eu du fun. Génial, j'ai hâte de jouer à ça. Ah ouais, on va l'essayer. Là, je tiens aussi à dire que je viens de dire tripé avec mon accent style Québec-Beauceron, là, mais je peux pas m'en empêcher. Puis quand j'écoute les chefs à la télévision, Daniel Vézina, qui est à Québec, a cet accent-là aussi. Je me retrouve là-dedans, puis ça me gêne. Alors, désolé, je suis pas capable de casser mon accent, je vais dire tripé. Tripé. Fait que c'est ça, man. C'était vraiment très rapide comme jeu, cool. Mais c'était vraiment très bon. Ouais, mais c'est ça. Il y a des jeux aussi de même qui sont. On se casse pas la tête, man. On boit de la bière, puis on fait des courses de poches de patates, puis on transporte des pizzas, puis on a vraiment du fun. Lance une botte. Puis c'était bien cool. All right. Fait que c'est l'heure d'une pause. C'est l'heure d'une pause. Avant d'aller en pause, les gars, je vais vous faire un petit fun fact sur l'univers des jeux vidéo. Je commence ça aujourd'hui. Là, Ah. Saviez-vous que depuis 80 ans, c'est illégal de jouer au pinball à Oakland, aux États-Unis? Hein? Parce que en 1930, les premières machines de pinball avaient pas de flipper. Fait que pour eux autres, c'était comme du gambling parce que tu mettais de l'argent puis tu lançais ta boule puis le score était aléatoire dépendamment de ta boule comment elle partait. Fait qu'ils ont mis ça illégal, fait que t'avais pas le droit depuis 1930 de jouer au pinball. En 1940, ils ont rajouté des flippers, mais ils ont été trop occupés, j'imagine, pour refaire la loi. Fait que depuis cette semaine, t'as le droit de jouer au pinball à Oakland aux États-Unis. Cette semaine? Ouais, cette semaine. Ils ont changé la loi. Ouais, fait que si t'habitais à Oakland, le seul moyen que t'avais dans le temps ou jusqu'à cette semaine de jouer à du pinball, c'est d'aller dans la ville à côté qui était Alameda au musée pacifique du pinball. Tabarnak! C'est-tu que le monde dorme au gaz, man? 80 ans que tu peux pas jouer au pinball parce que c'était considéré comme du gambling. Mais ça me fait penser, d'ailleurs, nous autres, on est allés au House of Targ puis toutes les machines étaient payantes en Ontario. Mais ici, au Québec, pour pouvoir exploiter une machine qu'il faut que tu mettes de l'argent dedans, ça prend un permis par machine, c'est genre 200-300$ de la machine. Ouais. Fait que c'est de l'argent, là. Mais sérieux, quand tu veux avoir une arcade, là, ça siphonne toutes tes 25 cents, tu sais, puis en très grande partie, donc faut que tu trouves d'autres façons. Donc ça, c'est crissement de la marde. Puis ça, ça date de longtemps aussi, cette loi conne-là, qui était pour, genre, encadrer les machines de vidéo poker, puis affaires-là que le monde se ruine leur vie là-dedans. Mais tu sais, ça n'a aucun rapport, est-ce, avec Pit Fighter à l'arcade ou n'importe quel jeu d'arcade, là. Mais au Québec, tu sais, ils n'ont pas changé la loi, whatever, ils checkent pas ça. Fait que c'est con comment est-ce que les lois perdurent. Du pinball sans flipper en plus, c'est plate, rien qu'un peu. Tu pêches ta boule puis t'as regardé aller. Bon, en fait 200 points. C'est vraiment de la merde. Quelle vie de la vie était différente en 1900. Après ça, tu pognes une grippe, tu meurs. C'est ça. Quelqu'un dans le chat m'a dit que ça a été illégal aussi à New York jusqu'en 1976 pour le pinball. C'est vraiment chien. C'est VGC 16-12. Probablement de même que le punk est né. Ça, c'est Renaud. Mais lui, il connaît son shit. Il connaît son stock. Un pro en histoire des lois des jeux vidéo. Fait que, dans le fond, ça, c'est une capsule récurrente, ça. Je vais essayer. Si je vois des fun facts, je vais vous en parler avant les pauses, comme ça. Là. Hey, c'est bon, fantastique, ça. C'est bon, fantastique. Ça. Plus-value, man. Plus-value. Yes. Ouais, plus-value. Rétro nouveau. Bon, ben, on vient après la pause. Salut. Salut. On s'en va en musique avec Burry Fighter Deluxe au Game Boy, la musique du niveau 2. The Oh! Et oui. Fait que... Moi, j'ai sur Vita, là. Ben ouais. La Vita. Tu joues pas mal à la Vita, hein? Je joue pas mal à la Vita. Hein? Parce qu'il y a bien du stock qui est sorti. Puis là, j'ai joué un petit jeu pas mal intéressant pour les gens à la bourse serrée. Oui. Qui veulent jouer un jeu de racing, un petit jeu de course. Ça s'appelle Tabletop Racing. En fait, que la compagnie essayait de faire avec ça. Micro Machines. C'est ça. C'était comme Micro Machines, Mario Kart. Ils essayaient. C'était comme les deux inspirations. Puis je dirais qu'ils n'ont pas trop. Ils ont pas trop manqué leur coup. C'est quand même pas mal ça. Okay. En fait, c'est ça. T'es des petits chars miniatures. Puis tu te promènes, admettons, sur une table où il y a des saucisses de barbecue plus grosses que toi, puis des trucs comme ça. Puis en fait, tu fais juste le parcours. Micro Machine, c'était ça. C'est que tu faisais juste le parcours, t'avais pas vraiment d'armes ni rien de ça. Ouais. Puis au début, Tabletop Racing, c'était un jeu où t'avais pas d'armes. C'était un jeu sur mobile exclusivement. Puis là, ils ont fait la version PS Vita, puis ils ont quand même amélioré le jeu. Donc maintenant, t'as des armes, tu peux ramasser des boîtes qui vont te donner des petits power-ups, comme lancer des petits missiles ou faire une espèce de zone électrique qui va ralentir les chars, lancer des bombes en arrière, des trucs comme ça. OK. Puis, c'est un jeu où tu vas devoir vraiment grinder. Il va falloir, tu sais, il te donne un char de base au début. Il va pas très vite, puis il faut que tu gagnes de l'argent, faut que tu gagnes des courses, des championnats, des trucs comme ça pour pouvoir débarrer les améliorations pour ton char. Ce que j'ai trouvé plate, par exemple, c'est que les améliorations pour ton char, c'est pas toi qui décides c'est lesquelles. Okay. Ça va te dire, admettons, OK, la prochaine amélioration pour ton char, c'est l'accélération. Tu peux gagner, genre, admettons, une unité pour 3 000$. Fait que là, tu dépenses les 3 000$, puis that's it. Puis ainsi de suite, c'est comme ça que ça va, tu débarres des autos. Les autos vont de plus en plus rapides, sont de plus en plus performantes. T'as un moyen aussi de skipper ça en ayant des microtransactions. Donc, c'est là que le monde va comme... microtransactions. Mais les microtransactions sont là, puis tu peux acheter du cash sur Internet pour aller plus vite dans ton jeu. Sauf que tu peux aussi décider de le faire sans cash pendant tout. Le jeu va quand même te coûter 7$. OK, quand même. Mais si tu joues sans arrêt, ton char va s'améliorer et tout ça. Moi, j'ai joué sans acheter quoi que ce soit de plus, puis j'ai réussi quand même à avoir des bonnes parties intéressantes, puis tu as tout le temps le goût de continuer. Le jeu est un peu lent, vu que c'est justement du tabletop racing, c'est pas vraiment un vrai jeu de char. Ouais. Ça, des fois, ça m'a dérangé un peu. Des fois, je l'ai trouvé un petit peu... comment dire? J'ai trouvé que les chars avançaient pas à mon goût, qu'ils tournaient pas à mon goût. J'ai pas trop aimé la drift. Puis finalement, j'ai essayé d'autres chars. Puis les chars, j'avoue qu'ils sont pas tous pareils non plus. Fait que ça s'améliore avec le temps. C'est pas très sexy, les chars, je trouve, là-dedans. Ben, ils sont bubble un peu, hein? C'est ça. C'est pour donner l'impression vraiment que c'est des petits chars miniatures. Ouais. Puis un feature que je trouve pas mal cool, par contre, ils ont donné plusieurs angles de caméra, puis il y a un angle de caméra, c'est l'angle rétro. Okay. Puis t'as la vue de top, pareil comme dans Micro Machines. Ah ouais, ça c'est le fun. Fait que ça, je trouve ça cool, puis c'est assez réussi, ça joue pas mal comme Micro Machines. Mais l'affaire qu'ils ont manqué là-dedans, c'est que Micro Machines, c'était rapide. C'était vraiment vite, puis c'est ça qui était le fun en fait. Exact. Puis là-dedans, je trouve qu'il y a un manque de rapidité, mais... Quand même, sérieusement, pour 7$, je trouve que c'est un bon jeu. C'est pas tout le monde qui ont de l'argent pour s'acheter un gros jeu de course à 50$ sur la Vita. Mais c'est vraiment intéressant à regarder, par exemple, parce que c'est vrai que c'est comme Micro Machines, mais vu de derrière. En 3D, là. Puis tu vois les murs. Mettons, t'es sur une table, là, où est-ce qu'il y a des sushis, puis du saké, puis tout ça, mais tu vois les murs du fond de la pièce. Tu sens la pièce. Tu sais que t'es dans une pièce, puis tu sens que t'es sur une table dans le milieu d'une pièce. Non, c'est ça. Tu vois beaucoup, beaucoup de paysages, là. Des bols, des couteaux, de la bouffe, tu sais, des bouteilles de vin, c'est cool, ça. Non, c'est cool, puis ils ont fait une bonne job. Puis en plus de ça, pour la Vita, c'est le fun parce que quand tu pèses sur ton pavé tactile arrière, tu vois en arrière de ton char. OK. Puis je trouvais que c'est vraiment un feature très cool, ça, pour un jeu de char, parce que justement, tu as le réflexe de checker en arrière, sont-tu proche, sont-tu loin. Fait que ça fonctionne super bien. Puis il y a pas mal de contenu dans le jeu. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de championnats. Fait que tu sais, c'est considérant le fait que tu payes rien que 7$ pour ça, quand tu vois tout ce que le jeu a à offrir, ça vaut quand même la peine, tu sais. Absolument. Fait que, non, allez chercher ça, sérieusement. Un soir, vous avez rien à faire, vous êtes sur votre Vita, vous savez pas à quoi jouer. Jouez à ça. Il est sur mobile aussi, mais ben franchement, sur la Vita, avec les contrôles, les vrais contrôles avec un joystick, c'est pas mal plus intéressant. Ouais, c'est clair. Ben, moi, je vais enchaîner avec un jeu de Super Nintendo qui est quand même pas mal le fun. Oui. Ça s'appelle Magic Sword. Oh. Puis, c'est un jeu d'arcade à la base qui a été très populaire. Puis, ça mélange un peu, comment dire, Golden Axe. Ouais. Mais, dans le fond, t'es un barbare avec une épée. OK. Puis, faut que tu montes la tour de Babel. Puis, chaque étage, chaque plancher de la tour, il y en a 50 étages, okay. est quand même assez court. Puis sur chacun de ces planchers-là, tu ramasses des clés. Il y a trois sortes de clés différentes. Excusez. Puis il y a tout le temps des cellules là, partout là, de prison. Puis tu débordes là-dedans des personnages qui vont te suivre. Okay. Fait que, mettons, il y a, je sais pas moi, un genre de voleur, il y a un mage blanc, un sorcier, il y a un autre chevalier qui lance des lances. OK. Il y a un gros espèce de bonhomme barbare qui lance des haches. Fait que chaque... Il y a un ninja aussi qui pitche des shurikens qui rebondissent un peu partout. Okay. Donc, chacun de ces personnages-là a ses forces et ses faiblesses. Mais tu sais, tu les contrôles pas, eux autres. Là. Ouais, quand tu ça. Donnes un coup d'épée, ils tirent. Okay. Fait que ça peut être quand même pratique parce que toi, avec ton épée, t'as une portée assez... T'as pas une longue portée. Ouais. Toi, que tu peux laisser monter une jauge de power qui te permet d'avoir un projectile. Mais si t'as le chevalier qui t'accompagne, ben lui, il tire trois lances de la shot. Okay. Ça te permet de buter plus loin là, les méchants. Ouais. Puis c'est ça, ça me fait penser, c'est fait par Capcom. Puis je rentre ça un petit peu dans la même catégorie que Knights of the Round ou ben King of the Dragon. Ça ressemble quand même. Là. C'est juste que t'es plus de côté, c'est ça qu'il faut dire. T'es totalement aussi, de côté, effectivement. T'as pas une espèce de vue en angle comme dans Golden Axe ou ce genre de... Non, t'as pas de profondeur, effectivement. T'es tout le temps au même niveau, là, dans ouais. le fond. Puis, excusez. C'est comme les vieux jeux d'arcade, en fait. Ça ressemble vraiment, je trouve, à un vieux jeu d'arcade de chevalier. Là. Ben, c'est ce que c'est. Puis, je pense que la version Super NES est quand même très bien réalisée. Oui. Puis, c'est ça. À chaque... T'affrontes des boss, puis après avoir affronté un boss, ton épée, elle devient plus forte. Et puis, il y a toutes sortes de twists de même. Tu ramasses bien des affaires. Si tu ramasses, mettons, il y a un anneau en or, je pense, un diamond ring. OK. Si tu l'as équipé sur ton autre personnage, ben si tu sors de sa cellule, le Lizard Man, ben il va t'accompagner, tu sais. OK. Fait que ça, c'est quand même... Il va faire quoi, l'homme lézard? J'ai jamais réussi à l'avoir. Je sais pas, je peux pas te dire. Mais il y a des coffres cachés. Mettons, le voleur, lui, va voir les coffres cachés. OK. T'sais. Fait que ça, c'est bien pratique. Donc, il y a plein de petits twists de même. Par contre, je dirais que c'est quand même très répétitif, là, tu sais, parce que les niveaux sont pas longs, les planchers sont pas longs. Puis après chaque plancher, t'as une petite cinématique où est-ce que ton barbare dit quelque chose, là. OK. En texte. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme ça devient ouais, un peu ça. Con, là. Tu vois qu'il se force pour écrire de quoi, mais que c'est vraiment pas nécessaire. Tu pourrais-tu juste comme monter l'étage puis fermer ta gueule, là? That's it. Fait que ça, c'est un peu bizarre. Tu peux-tu le skipper? Non. Ben, tu peux passer sur A, il va monter plus vite, puis ça va tout se faire plus vite. Là, ah, ça, c'était. Ça, je trouvais ça insultant d'un vieux jeu. Quand tu pèses sur ton piton, puis ça fait juste comme ils veulent, tu vois le texte pareil. Exact, là. Exact. C'est comme non, tu vas le lire, mon c'est micro. Vrai. Le fait texte apparaît, comme... puis le bonhomme, il monte les marches quand même. Là. Tu n'as pas le choix avec ça. Mais c'est ça. Puis aussi, mettons, il y a des coffres que tu ramasses un peu partout. Tu ramasses du cash, tu ramasses bien des affaires pour booster tes points. Des power-up aussi. Puis avec les niveaux, plus que tu montes dans les marches, plus que tes personnages qui t'accompagnent sont plus forts. Okay. Donc, à un moment donné, ça devient intéressant. Là. Le ninja, il est quand même assez badass. Là. Moi, je le trouve très pratique. Je regarde les méchants, là, la variété de méchants, c'est quand même assez comique. Là. Comme là, justement, dans l'extrait qu'on regarde, il y a des statues. Des statues de l'île de Pâques qui ont pris de Konami. Là, ouais. Ben, des squelettes avec des épées, des magiciens. Des squelettes, il y a des ninjas, des magiciens. Là, on voit une méduse avec un œil qui vole. C'est vraiment un buffet. Là. Oh, ben, c'est un buffet, mais c'est un buffet qui se répète, là, sérieux. Ouais. C'est pas très varié parce que c'est les mêmes ennemis qui se répètent tout le temps, mais de plus en plus fort, là, dans le fond. Mais il y a aussi des niveaux où est-ce qu'il y a du feu qui sort du plancher. Il y a comme un petit peu de platforming à faire, mais c'est pas très évolué à ce niveau-là. Non. Mais non, j'ai... j'ai quand même bien aimé ça, ouais, c'est oui, ça, j'aimais. Parce que t'as pas... Ben, j'aimais ça, j'ai pas... Okay. J'avais t'as beaucoup pas été aimé ébloui. Ce jeu-là quand j'étais jeune. Okay. Là, je viens de l'acquérir. Là, tu vois ici, là, ça, ouais. On monte les marches. Je viens de le réacquérir. Je suis très content de l'avoir, pour vrai. Ouais. Parce que c'est un jeu que tu peux jouer, mais ça se répète. Puis même au début, tu peux choisir le niveau où est-ce que tu commences. Okay. Tu peux commencer en bas de la tour. Oh, ou ouais. Si tu veux, tu peux commencer au niveau 10, 20, 25, whatever. Puis tu peux commencer au niveau 33. Puis, OK. Vu si pourtant, tu... c'est pas le but du jeu d'arriver ben, au niveau 33. C'est ça que je comprends pas. Tu veux finir le jeu, ben commence au niveau 33. T'as pas mal plus de chances de te rendre au niveau 50. Là, parce que t'as pas tout le temps des continues. Puis t'as pas okay. tout le temps des vies. Fait que, tu sais, je trouve ça. Je comprends pas le ben but oui, de cette affaire-là. T'sais. Tu dis, bon, ben, peut-être si tu veux te donner un challenge, commence à hard en bas de la ben tour. Oui. Puis là, t'as un gros challenge. Tu le mets easy, tu commences au niveau 33. Ben, peut-être que t'as pas la vraie fin, là. Ouais, je sais ça. Pas, mais en tout cas. Jeff, tu me regardes avec un drôle d'air. Non, non, non, j'ai pas d'informations vraiment de plus là-dessus. C'est bon. Mais ils disent que par contre, comme dans Mario Bros, t'as des bypass que tu peux faire pour passer d'un niveau à l'autre si tu vas ouais. dans des portes spéciales puis tu fais quelque chose de spécial. Là. C'est un jeu avec beaucoup de choses cachées, en fait. Beaucoup de coffres cachés, comme ouais. d'avoir le Lizard Man, ça, c'est comme un truc caché. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut que tu joues souvent ce jeu-là pour découvrir des choses. Puis à un moment donné, tu vas devenir assez bon pour être capable de faire du premier niveau au 50e avec des bypass, des ci et des ça, puis à être le grand master de Magic Sword. Mais c'est ça, ça m'a pas fait capoter, mais j'ai aimé ça par exemple. J'ai aimé passer du temps là-dedans. C'est-tu un jeu qui coûtait cher, ça? Comment est-ce qu'il vaut ça? Attends un peu, je vais regarder. Pendant que Dom regarde, la version arcade a été releasée pour Xbox et puis PSN. Okay. En 2010, dans un package double avec Final Fight qui s'appelle Final Fight Double Impact. Ah oui, je me rappelle. Le 14 avril 2010, il vaut 800 points Microsoft ou 9,99 sur le PSN. Ah ben Moses. Puis juste la cassette toute seule vaut 20$. Si vous l'avez complet, ben, ça va plus autour de 40 là, dans le fond. Okay. Fait que c'est un jeu de genre que les collectionneurs ou le monde qui ramasse le rétro, quand ils le voient, c'est comme oh yeah man, ça me le prend. Ouais. C'est un jeu que tu veux. Okay. Parce que c'est un bon jeu. Puis c'est de Capcom, puis c'est bien correct, mais c'est pas, tu sais, c'est quand même assez répétitif. Okay. Mais par contre, je dois dire que l'action est très rapide. Ton personnage, il avance vite. Ouais. L'autre qui te suit en arrière, il tire. Ouais, vite. Vraiment comme... ouais, c'est ça. Tu peux pas d'attente, là. Non, non, c'est ça. Tu peux aller super vite dans le niveau, là, puis comme juste passer, là, puis schlack. Puis t'as aussi une attaque spéciale qui te bouffe de la life, mais ça pète tout dans l'écran, donc c'est très pratique. Ah, ça, c'est agréable. Puis les boss se répètent aussi, tu sais. Ont un peu toute la même forme, okay. là, genre que ça soit une. Comment est-ce qu'on dit? Une Wyvern? Weavern. Weavern. Dans ma tête, c'est toujours une Weavern, mais en tout cas, que ça soit ça ou bien un griffon, whatever, tu sais, ils bougent de la même façon puis ils font la même affaire, fait que ça, c'est un petit peu plate. Cherche la pochette parce que moi, j'aime ça voir les pochettes de ces jeux-là. Ben, tu sais, je l'ai. Magic Sword. Ah, c'est ça! C'est ça, ici, là. J'ai souvent vu la pochette, mais vraiment... Ouais. Ah, la pochette te donne le goût, vraiment, là. Non, c'est un jeu bien correct. Ça vous le prend, sérieux. Mais c'est pas révolutionnaire, là, par contre. OK. Mais j'ai eu du plaisir. Bon. Fait que je suis très content. Je vais aller dans ma collection. Venez aux soirées Papa Cassette, si vous voulez jouer. Nice. Hey, moi, je vais te parler de Oddworld New and Tasty. En fait, c'est Oddworld Abe's Odyssey New and Tasty. Ouais. Ça, ce que c'est en fait, c'est un remake du jeu de 1997. Tiens, j'ai du gameplay plutôt, Dom. Ah, ben, parfait, ça, c'est déjà fait. Puis ça a été refait au grand complet. C'est ça que je me posais comme question, moi, quand j'ai vu ce jeu-là pour la première fois. Je me suis dit, ben, ils ont juste mis des nouveaux skins, puis ils ont upscalé toutes les affaires en HD, puis c'est tout. Ouais. Mais non, ça va au-delà de ça. Les créateurs disent qu'ils ont vraiment reparti le jeu de A à Z. Là. Ils disent que c'est un ground-up remake dans les infos. C'est ça. Vraiment de repartir de zéro. Repartir vraiment de la base, de tout rebâtir, c'est quelque chose pareil. Là. Fait qu'ils ont fait... Ça a été un hit au PlayStation 1, ça. Oui, ça a été un gros hit. Ouais. Ça a pogné au bout au PlayStation. Puis moi, c'est ça. Je fais partie des multiples personnes qui ont joué en 1997. Okay. Puis qui ont trippé. C'est vraiment un de mes meilleurs jeux à vie, ce jeu-là. Puis quand tu joues au nouveau, tu redécouvres ce jeu-là. Okay. En fait, pour les gens qui n'ont jamais joué... New and Tasty, en fait, Oddworld Episode Essay, c'est le premier jeu d'une série, la série des Oddworld. Il y a eu d'autres jeux aussi. Il y a eu Munch Odyssey. Il y a eu le jeu... voyons, Colin. Le jeu un blanc, mais il y a le jeu avec, avec l'espèce de une espèce de western qui est sorti aussi sur, sur PS4. Ils ont fait un remake en HD. OK. Fait que c'est ça. Mais bref, en fait, ce que c'est là-dedans, c'est que t'es un mudokon. Pas un mudokon. T'es comme un espèce de personnage. Tu t'appelles Abe, puis ton espèce est un peu faible. T'es comme les minions dans un espèce de grand monde ou un peu weird de personnages bizarres. Puis toi, tu travailles pour une grosse compagnie qui s'appelle Rupture Farms. Puis Rupture Farms, ils font de la bouffe, ils font des produits. Pour tout le monde. Fait que c'est comme si, admettons, c'était Vachon. C'est ça. C'était la dernière... T'es un employé de la chaîne dans, chez Vachon. Genre. C'est ça. T'es un employé de Vachon dans le futur, dans un futur post-apoc, là. Puis là, faut que tu fasses de la bouffe. Toi, tu fais le ménage, tu sais. Puis là, Rupture Farms faisait de la bouffe avec plein d'affaires, plein d'espèces qui se retrouvent sur Oddworld. Fait que, genre, il y a des scrabs qui appellent, que c'est comme une espèce de crabe avec un torse d'homme. C'est vraiment weird. Il y a comme plein de bébites de même bizarres. Puis il faisait de la bouffe avec ça. Puis là, il commence à manquer de ces espèces-là. Les espèces sont en train de mourir, sont toutes en voie de disparition. Fait que là, pendant qu'il passait à Vadrouille un soir, ben là, il voit leur plan. Ça serait quoi le prochain aliment qui se dit sa race à lui. New and Tasty, puis c'est de passer sa race à lui, c'est des popsicles au Mudokon. Fait que là, lui, il capote, puis il se pousse. Eux autres l'ont vu, fait qu'il va se faire poursuivre tout le long. Puis lui, dans Rupture Farms, il va essayer de sauver aussi sa race qui sont esclaves de Rupture Farms, puis qui savent pas encore qu'ils vont se faire charcuter. Fait que là-dedans, tu te promènes, c'est un jeu de plateforme, mais c'est aussi un jeu de puzzle. Puis, dans le fond, tu c'est de gauche à droite, tout simplement. Puis, tu vas aussi parler aux autres Mudokon. Fait qu'il va falloir que ils te suivent, on dirait. C'est ça, ils te suivent. Puis, t'apprends avec ta manette, t'apprends. Il y a 8 commandes vocales à faire avec la manette. T'as un hello, follow me, stay here. All of you. OK. Fait que tu peux donner des ordres aux gens. Tu peux aussi faire un pet. Tu peux faire deux types de sifflement. Et puis, t'en as un autre aussi. Mais bref, ça te permet de communiquer avec le monde. Puis communiquer, c'est assez important dans ce jeu-là pour qu'ils puissent te suivre ou non. Ouais. T'as aussi une espèce de pouvoir qui te permet de rentrer en transe puis de contrôler une autre espèce. Fait que, admettons, là-dedans, t'as un slug, entre autres. Un slug, c'est comme une espèce de bébite avec des grandes trompes qui mitraille tout ce qu'elle voit tout de suite. Ouais. Ben, si t'es pas sur le même étage qu'elle, tu peux rentrer en transe puis pouvoir la contrôler puis qu'elle mitraille ses comparses. Mm-hmm. Puis c'est un peu ça là-dedans, c'est de trouver la solution pour pouvoir soit te rendre à la sortie ou soit sauver les Mudokon. Puis le jeu, tout ce qui est intéressant là-dedans du remake, c'est que t'as pas l'impression de rejouer exactement au jeu de 1997. T'sais, tu te souviens de ce que tu as vu, tu vois. Sauf que là, tout est tellement amélioré. Il y a un effet de profondeur incroyable. Oui. Tout est super détaillé. Ils ont utilisé aussi beaucoup le son. Ils l'ont vraiment travaillé. Le son est vraiment meilleur. Okay. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué aussi à l'original. J'ai rejoué parce que il l'avait sorti sur PS1. On peut y jouer sur la PS3, sur la PS Vita. Puis vraiment, là, tu reconnais le matériel de base, mais c'est quand tu rejoues à l'original que tu vois à quel point c'est next-gen, là, c'est vraiment autre chose. Là. Ouais. Des fois, c'est le fun parce qu'ils jouent avec l'angle de caméra, chose qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Aussi, les cinématiques sont beaucoup plus embranchées, font beaucoup plus partie du jeu qu'avant. Avant, on essayait de mélanger les deux sans que ça paraisse trop, mais à cause des limitations du hardware, c'était vraiment impossible. Là, c'est fluide au bout. Nice. Le son est écœurant, l'ambiance est écœurante. Puis c'est le fun parce que c'est ça, maintenant, il est moins dur. OK. Ils l'ont fait un peu moins difficile parce que ça, c'était un jeu qui... Ça m'a l'air d'un jeu qui était dur à l'origine. C'était tough, man. C'était vraiment, vraiment, vraiment tough. Là, tu sacrais pas mal. Puis là-dedans, on l'a rendu moins difficile à normal. Mais chose qu'il n'y avait pas auparavant, il n'y avait pas d'option de difficulté auparavant. Maintenant, il y en a. OK. Fait que maintenant, tu sais, t'as comme facile, normal, difficile, très difficile. Puis en plus de ça, pour ceux-là qui recherchent vraiment un challenge, ils ont sorti du contenu téléchargeable qui, dans le fond, c'est « Faut que tu sauves d'autres Nodokon dans des tableaux un peu recyclés de l'engin. » OK. Fait qu'ils ont vraiment bien travaillé ça. Ils l'ont bien fait. Moi, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire un remake parce que c'est pas... Ouais, hein? C'est pas un remake comme j'en ai vu jusqu'à date. Parce que jusqu'à date, tu sais, même si on pense à Zelda Wind Waker, c'est pas un jeu qui a été fait from the ground up, comme GF a dit tantôt. Ouais, c'est ça. Ils ont quand même utilisé des trucs de base, puis ils ont refait le jeu, ils l'ont rehaussé. Tandis que là, c'est un nouveau jeu, littéralement, tu sais. Exact. Fait que moi, je le conseille très fortement, ce jeu-là. Puis c'est ça, au début, je trouvais ça rough, parce que le jeu est 30$ quand même. Oh! C'est okay. Un gros prix pour un jeu. Je m'attendais pas à ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, quand j'ai vu le prix, ça m'a fait reculer un peu. Mais finalement, en voyant toute l'expérience puis tout ça, t'as pas l'impression de jouer au jeu de 1997. Ouais, c'est ça. Tu te souviens quelqu'un des affaires, qui connaît pas cette série-là du tout va avoir l'impression de n'avoir pour son argent. C'est ça, exactement. Puis pour moi, c'est un jeu qui aurait pu sortir. Il aurait pu facilement sortir sur disque, sérieusement. Puis je pense que ça aurait aussi bien vendu que digital, là, mais ça vaut la peine. Là il est sur PS4 seulement, mais il va sortir aussi sur PS3 puis sur PS Vita. Okay. Quand il va sortir sur PS3, PS Vita, il va être cross-buy. Okay. Fait que t'as une version, t'as toutes les versions, puis tu peux sauver ta partie sur le cloud, continuer sur l'autre. Fait que ils disent également sur Xbox One, Wii U, c'est vrai. Linux, Microsoft, OS X. Linux que... encore. Encore une fois, Linux, tous les jeux qu'on a parlé à soir sont disponibles sur Linux, si, bizarrement. Ouais. On aime Linux. Ah, jamais c'est ça. Mais c'est très bon. Allez vous le procurer. C'est un incontournable, ce jeu-là. Tu sais, que vous ayez joué ou non à la version originale, ça n'a pas d'importance. Ben moi, j'avais pas joué à l'original, puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Puis les environnements sont super beaux là, dans ce jeu-là. Ouais, c'est très, très beau. Hein? Puis moi, j'espère que ça va faire revenir Abe. Parce que Abe, c'est un personnage qui était là il y a longtemps. Peut-être dans un prochain All-Star Battle de merde de PlayStation. Qui sait? Ouais. Non, mais moi, j'espère. C'est ça, qu'ils vont y sortir un nouveau jeu de Abe, vraiment. Tu sais, puis c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'ils tentent le terrain pour essayer de le ramener, parce que c'est un personnage, il est drôle, il est comme weird, creepy, mais il est attachant en même temps, il est tout cute. C'est Sony qui ont inventé ça, cette série-là. C'est Oddworld. Les publishers, c'est Oddworld Inhabitants, ça s'appelle. Oddworld Inhabitants, puis eux autres, ils ont créé un monde avec Oddworld, puis ils ont juste fait des jeux dans ce monde-là. OK. Fait que tout, c'est vraiment un univers. C'est une bonne idée quand même pour une compagnie de faire ça. Ben oui. Bâtir son univers de zéro. Là. Ah oui. Exact. C'est vraiment... Écoute, ça, c'est le secret du succès de Humeur Design. Totalement, man. Ah, totalement. Référence années 90. C'est bon, ça, parce qu'on est très, très current dans nos références. Ah, ouais. Un beau t-shirt, ça sent le têteux. Ouais. Tes affaires-là. Là. Ouais. C'est quoi dans l'autre sorte de t-shirt qui est devenu proche? Là, c'est les petits bonhommes là, avec une casquette là, qui sont comme juste un drap. Là. Ah, oui, oui. Les Munchu, les Bunchu. C'était quoi ça, donc? Pas Mordillo, là, tu sais. Non. En tout cas, je m'en rappelle plus. En tout cas, ceux-là. Parce que quand on le voit dans le chat. J'aime autant pas y passer. Non, ça passe pas à ça. On salue les gens qui ont des côtes Joff. Et des jeans Jordache. Ah oui, des Jordache. Des chandails au coton aussi. Ouais, les beaux chandails. Des jeans au coton. Cherokee aussi, très grands. Ah, très sac, oui. Jeans. Tu sais, délavés un peu, là. Ah oh, ouais. Fucking grande. Bouffante à la taille. Très du bouffante. Du beau gear de chez Zeller. Ah ouais. Un beau élastique stretch, là. Mm. Ça me manque, ça. Tu sais, le temps que t'avais pas besoin de mettre de ceinture, là. Non, c'est ça. T'es un gars, porte un élastique. La belle époque. La belle époque. Là, maintenant, on a juste ça avec nos élastiques slack de boxer. Ah. Ouais, hein? Sexy au bout. C'est sexy au bout. Oh boy. D'ailleurs, c'est ça qu'on s'en va faire, mettre nos boxers aux élastiques slack. Ouais. Oui, parce que présentement, on podcast Commando. Ouais, comme vous l'avez remarqué, tout le monde. Tout le monde voit, on n'a rien en dessous. Absolument rien. Fait que c'est un épisode. On a déjà fini. Ouais. Avez-vous des plugs à faire avant qu'on termine le show? Oui, ben, toi, t'en as-tu une? Moi, j'en ai. Les mêmes que d'habitude. Là. Ah ouais, moi, j'aimerais rappeler aux gens d'aller sur lamanette.bigcartel.com. Ouais. Puis vous allez retrouver une multitude de t-shirts sur le thème des jeux vidéo. Exact. Puis vous pouvez en acheter aussi, c'est vrai, à la boutique au local de Papa Cassette. Il y a une belle affiche sur le mur en arrière ici. Ouais. Ça dit les modèles. Alors, si vous venez dans une soirée Papa Cassette aussi, checkez les pancartes. C'est ça. Puis j'accroche des t-shirts aussi dans les vitres. Ben oui. Puis tout ça est à vendre. Ouais. Tout est à vendre. Tout ça. Est à vendre. On vend tout, tabarnak. Ouais. Fait que c'est ça. Checkez ça. Yeah. On travaille fort. Puis aussi, là, c'est ça. Checkez Rétro Nouveau sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais checkez surtout Bruno Georget. Dominique Bourret, Papa Cassette, puis JF Grombe, parce que on est très actifs sur nos comptes Twitter. Des fois, c'est drôle, je me suis rendu compte que certaines personnes qui ne savent pas, qui vont juste suivre Rétro Nouveau, puis qui suivront pas nécessairement nos comptes. Ouais. Mais on est beaucoup plus actifs sur nos comptes. C'est vrai qu'on parle beaucoup sur nos comptes, puis ouais. Moins sur Rétro Nouveau, effectivement. Exact. Hein? Fait que suivez-nous sur Twitter, on aime ça, jaser. De tout et de rien. Ouais. Bien sûr. Puis sinon, toi, JF, la soirée du podcast. Ouais, ne manquez pas le retour glorieux de la soirée du podcast le 3 octobre 2014 pour la saison. C'est loin. C'est loin, mais. Il y a plein de choses à dire. On commence le vendredi avant le premier match canadien, dans le fond. Qui est un samedi. Non, c'est un mercredi premier match, mais pas à domicile en fait. Là. Ouais, à Toronto. Donc, 3 octobre pour la saison 2014-2015. Nouveau logo, nouveau site web, nouveau décor, même contenu un peu tout croche et puis aussi frivole. Un contenu qu'on aime. Il y a beaucoup de travail, une belle amélioration cette année. Ouais, un nouveau gars aussi qui se joint à nous cette année. On a une nouvelle recrue, donc on va être 6 cette année. Wow. En rotation, là, on devrait être 4 par épisode. Bravo. D'ailleurs, votre gars de Facebook, man, il a tellement un choix de photos incroyable. Ouais, il fait une belle recherche. Il torche là 24 Stanley all the way là, au niveau de la recherche photo. Là, des fois, on sort même avant 24 Stanley. C'est totalement, totalement. C'est ça qui a de le fun. Il travaille vraiment fort puis il a pogné une grosse coche. Là. Moi, je vois ça dans mon fil Twitter, puis dans mon fil Facebook. Puis vous sortez avant 24 Stanley. Souvent, allez suivre sur notre Facebook la soirée du podcast, puis soirée du podcast sur Twitter. Puis également, la soirée du podcast sur YouTube, on a fait un channel vu qu'on diffuse en vidéo nous autres ici. Là. Ouais. Yes. Fan de hockey, suivez-nous. Exact. All right. Et moi, ben, papacassette.com, les jeux à vendre, puis Facebook, Twitter, les soirées, puis les guenilles à vendre. Venez vous amuser. Ah oui, dernier petit pitch, RZO sera au Comic-Con. Oui. Donc, c'est du 12 au 14 septembre prochain. Venez au boot, obtenez votre sticker gratuit. Oui. Pis, oui, c'est vrai, des beaux stickers pour mettre en dessous de votre skate, Steve, et sur vos caisses de son. Oui. Exact. C'est ça, puis c'est ça. Venez nous jaser. Parlez-en à vos amis, voisins, et alertez un camarade. Exact. Bon, ben merci d'avoir été là, tout le monde. Merci à tout le monde. Yes. Puis on se revoit très bientôt. Yes. À la prochaine. Ciao. Ciao. Retro Nouveau.